Nous allons reprendre la partie à l'intérieur de la brigade. La brigade, c'est une arène souterraine ajusticienne qui est tenue par le clan dans lequel travaille Abby. Globalement, donc, après être passé par une petite ruelle un peu planquée, vous rentrez par une porte avec un gardien, vous donnez le mot de passe, et puis vous pouvez rentrer. À ce moment-là, vous suivez une petite cour et puis vous arrivez à un escalier, vous l'empruntez et vous pouvez arriver dans une espèce de grande salle avec un ring de combat juste en dessous. C'est un endroit donc secret de justicienne, il y a très peu de monde qui sait qu'il existe. Et c'est globalement les hautes sphères de ce groupe d'apocalyptiques qui s'y retrouvent. Et ce soir, il y a un événement un peu spécial puisque... Au niveau des combats, qui je précise ne sont pas des Valchamors, on retrouve un nouveau combattant que vous connaissez puisque c'est vous qui l'avez pistonné, enfin surtout Abby. Il s'agit de Ada, donc le fléau tout droit venu d'Africa qui, après avoir été viré par son culte, qui lui met sur le dos la mort de ses deux compagnons, a décidé donc d'accepter la perche que lui avait tendue Abby et de rejoindre les arènes de justicienne. En plus de ça, à l'intérieur de cette salle, vous trouvez assis sur des bancs pas mal de monde. Toi, Abby, tu reconnais plusieurs têtes. Vous, un peu moins. Vous allez par exemple pouvoir apercevoir Angels, l'apocalyptique que vous aviez aidé lors de la toute première partie. C'était celui qui avait kidnappé, si on peut dire ça comme ça, la fille du juge. Donc après être passé, vous apercevez là au niveau du ring les premiers combattants. Ada est pas encore, c'est pas encore son tour. Et vous avez le droit par exemple, si vous voulez, de parier sur différents gars. D'ailleurs, de ton côté, Mokosh, Ada t'a fait une demande un peu particulière. Il t'a payé, enfin il t'a remboursé des huiles élyséennes qu'il voulait que tu lui apportes. Les huiles des anabaptistes, globalement, elles ont la... On dit d'elles qu'elles sont des propriétés qui permettent à ceux qui, par exemple, s'en étalent sur le corps ou en enduisent leur lame, d'être plus puissants, plus endurants au combat. Tu lui as commandé ce qu'il t'avait demandé? Oui. Très bien. Pourquoi pas? Dans l'idée, parce qu'il y a plusieurs types d'huiles, avec chacune leur recette secrète, là il t'a pris des trucs quasiment enfin les plus communes. Donc ça n'a pas été compliqué pour toi de trouver. Ouais. Vous retrouvez aussi justement en haut des bancs, surtout toi Abby, Axel, donc ta corneille, qui discute avec un chroniqueur et le commissaire Pryhell. Que vous aviez vu la dernière fois. Parce que les autres, je vous en ai peut-être pas forcément parlé, mais le commissaire, en réalité, le rôle du commissaire dans la hiérarchie des juges, c'est quelqu'un qui tisse un réseau avec les apocalyptiques, entre autres. Globalement, il sait que si jamais il venait à s'en prendre à tous les apocalyptiques qui détruisaient les clans les uns après les autres, il serait immédiatement remplacé par d'autres. Donc, les commissaires, ils font des arrangements qui sont plutôt secrets, C'est pour ça que là, il possède même pas sa tenue de juge. En soi, il a retiré son chapeau. Ça le rend un peu moins connaissable. Il a toujours ses petites lunettes teintées, par contre. Et donc, là, il est en train de discuter. Voilà, il a son réseau. Et en fait, il considère que le groupe d'Abby n'est pas néfaste envers Justicienne ou moins, pas autant qu'il ne pourrait l'être, et que pour lui, c'est plus rentable d'avoir un groupe ici plus petit et plus calme plutôt que de l'éradiquer et de prendre le risque qu'il soit remplacé par quelque chose de pire avec du trafic, des assassinats sur commande et ce genre de choses, quoi. De votre côté, vous êtes venu ici sans vraiment ra aucune raison particulière à part pour voir le combat, enfin les combats. C'est globalement c'est assez similaire un combat de boxe. C'est des règles assez spéciales, assez compliquées, mais ça se regarde de la même manière. Vous avez des gens qui sont plus près du ring, qui gueulent comme des forains, et puis derrière il y a des gens un peu plus posés sur leur chaise qui sont juste là comme prétexte pour rencontrer des gens et leur en parler. Alors je sais pas de quel côté vous vous placez pour vous. Genre, c'est le con, ça va être le combat de. Je pense qu'il devrait arriver. Bah, genre, moi je me mets à l'arrière et quand ce sera à lui, je me mettrai avant. Très bien. Parce que je l'aime bien. Ouais, bah, même chose, c'est notre poulain. Ouais. Vous avez parié des lettres de change sur lui? Ah, bah, de ouf! Mais moi, genre, si possible, enfin, genre, c'est pas sur le sujet, mais genre, j'aimerais bien, genre, sur le long terme, peut-être en faire un potentiel client, parce que je pense que ça peut être intéressant de l'avoir. Bah, parmi mes clients. Mais du coup, oui, j'ai parié sur lui. Je lui montre que j'ai confiance en lui. C'est que sa rareté, on va dire, le fait, mine de rien, les Africains sont pas très répandus en Burkina, donc fait qu'il l'intéresse pas mal parce que ça donne du spectacle. Ça, tout de suite, quand on le voit, on le retient. Donc, en effet, c'est quelqu'un qui risque de se créer des contacts, et c'est pas forcément une mauvaise idée. Et toi, Toric? Pour ma part, enfin, moi les combats c'est pas trop mon dada, on va dire. Hein. Et puis en plus, le genre de personnes qui viennent regarder ça, on va dire que au niveau de l'hygiène et tout, c'est pas le top. Du coup, je suis un peu en retrait. Disons que je vais regarder quand même parce que bon, par curiosité. Et puis si jamais il y a des cas sympas de blessures à traiter, je pourrais toujours m'y atteler. Mais je vais quand même me remettre en retrait des gens pour pas trop me frotter à ces germes. Oh. Vous voyez également qu'il y a un bar. En fait, je pense que la pièce est plus ou moins en forme de cercle qui est coupée sur le mur du fond pour laisser place aux loges à l'arrière. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a également un bar où ils servent de l'alcool, hein, tout simplement. Moi, j'imagine que je suis au bar hein, pour l'instant. Ok. Tant que le combat de notre ami de Ada a pas commencé, j'y suis quoi. Ok. Tu vas au niveau du bar. Le temps passe, hein, quelques minutes, et puis finalement, vous voyez un apocalyptique avec des dreadlocks qui se met au niveau du ring et qui commence à annoncer le futur combat. Ada en tête d'affiche, donc le fléau venu d'Africa, qui s'apprête à mener son premier combat à Justicienne. Vous voyez la foule qui, mine de rien, même si elle est assez petite, parce que encore une fois, c'est un club un peu privé, est assez chaud. Et puis, son adversaire rentre sur le ring. Vous voyez un gros chauve ultra baraqué qui a l'air de peser son poids, mais une fois qu'Ada arrive en face, vous voyez que le combat risque d'être assez serré. Vous voyez pas de. Ça n'a pas l'air si déséquilibré que ça. Et puis, ça commence. Donc, il commence à s'enchaîner des coups. Au début, ils sont assez distants, mais puis finalement, Ada, lui, de son côté, il devient très très agressif. Il n'arrête pas d'avancer, on dirait vraiment, limite, une espèce de prédateur qui jouerait avec sa proie. Il lui tourne autour, il commence à donner des coups Parfois, juste pour lui donner la pression, il fait quelques feintes. Son adversaire, même s'il a l'air très puissant, est malheureusement trop baraqué et trop lent surtout par rapport à ça, et se met vite à s'essouffler. Et les commandes en genre d'arène sont censées être rapides, donc les arènes sont petites. Et puis finalement, vous voyez que Ada prend clairement le dessus. Magnifique. De l'autre côté, vous êtes content. D'ailleurs, vous avez parié combien de lettres de change sur lui? Pour faire une idée, c'était quoi le truc, disons, habituel? C'est un truc habituel, je vois. Alors, globalement, une lettre de change, on pourrait presque dire que c'est 1 euro. Si vous voulez vraiment. D'accord. Moi, je pense. Enfin, du coup, c'est un peu dommage de me dire. D'habitude, ce serait une petite cinquantaine. Mais. J'aurais bien joué une petite centaine. Genre. Ok. C'est vrai que toi, t'as les moyens, tu peux te permettre de jouer une petite centaine. Oui, je suis riche. Moi, je ne dépense pas mon argent dans cette chose futile. Bon, j'en ai sûrement mis 30 ou un truc comme ça. Ok. Le combat continue. Étonnamment, vous voyez l'adversaire d'Ada qui commence à reprendre le dessus. Et qui commence à lui enchaîner deux vilains coups. Un coup de pied dans le ventre et puis il le fait tomber au sol. Ada a 3 secondes pour se relever. Vous voyez que d'un bond, il se remet debout. Il titube un peu, il se prend le mur derrière lui, et puis finalement il fonce sur son adversaire. Il lui enchaîne 2 coups également bien placés, un dans le nez et un dans le ventre. Son adversaire plié se relève au mauvais moment où il se prend un énorme coup de pied en plein dans la face. Vous voyez qu'il fait une espèce de vol plané en arrière et qu'il s'écrase contre les barricades, enfin le pourtour du ring. Donc l'apocalyptique avec les dreadlocks là commence à se procher de l'adversaire d'Ada qui est en dehors du terrain et se met à compter à haute voix. 1, 2, 3. À ce moment là les gens se mettent à applaudir, vous en voyez qui gueulent, certains d'autres au contraire qui ont l'air relativement contents. Et puis petit à petit ils commencent tous à se diriger au niveau du bar pour aller toucher leur récompense. Le combat est fini, Ada est victorieux. Vous le voyez transpirant qui vous adresse un petit regard sympathique et puis qui retourne dans sa loge pour aller lui aussi toucher ses gains. Je vais toucher mes gains moi aussi. Torik, toi tu vois que le mec qui s'est fait projeter du ring a le dos complètement ouvert, il s'est pris un énorme. Il s'est blessé sur le pourtour. Bah écoute, je vais quand même aller voir vu que. Je suis le médecin du coin, on va dire. Pour le coup, je suis à côté. Ok. Donc... Tu vas t'approcher de lui. Tu vois, tu regardes, tu l'examines un peu. C'est pas bien méchant. Enfin, forcément, c'est pas non plus. C'est un combat non armé. Et c'est juste que le pourtour, en fait, s'est brisé sous son poids et du coup, l'a blessé. Ok. Ils ont quand même des soigneurs sur place ou c'est vraiment un peu basique, truc un peu. Tu te retournes un peu, tu vois pas trop. Tu vois un mec aussi avec. Qui semble être des bandages et de l'alcool pour peut-être désinfecter, tu sais même pas ce qu'il y a dedans en fait au final. Ouais. Mais bon, c'est relativement précaire comparé à ce que toi tu connais hospital comme situation. Bah après, moi, mon professionnalisme ferait que je lui demanderais d'aller se faire soigner dans un endroit décent. Après, je suppose que c'est dans leur habitude de se soigner un peu à l'arrache pour enchaîner peut-être tes combats. Oui, complètement. Complètement. Bon, à partir du moment où je vois qu'il est pas, en danger, que si c'est un peu soigné proprement, bon bah, je laisse tomber quoi. C'est bon. Très bien. Tu vois, tu t'approches, tu regardes ça d'un œil un peu curieux et puis finalement tu décides de t'en aller. Mm. De l'autre côté, les autres, je vous laisse ajouter chacun la somme que vous aviez pariée à votre fiche de personnage. Donc 100 dinars, enfin 100 lettres de change pour Abby et 30 pour Mokosh. Je suis tellement riche. Magnifique. Et puis finalement, c'est la fin de la soirée, hein, vous étiez arrivé assez tard. Certaines personnes commencent à sortir, il y en a d'autres qui restent pour aller voir ensemble, et puis d'autres qui s'installent au niveau du ring. Vous les voyez qui commentent le combat, et puis... Et puis y a le commissaire qui vous appelle. Il vous fait un petit signe de main. Moi j'y vais. Je pense que... Enfin genre, idem. Même si le top... beaucoup traité avec vous. J'y vais aussi. Ouais, vous, vous approchez de lui, vous commencez à vous asseyez juste à côté, et puis vous le voyez un peu souriant qui commence à vous parler. Bon alors les gars, ça va? Bah enfin, oui. Ça va. La belle vie. Comme d'hab. Comme d'hab. Et vous? Bah ça va, vous voyez mon ami juste là, vous voyez un petit penchement de tête, il pointe le chroniqueur qui est avec lui. Donc le chroniqueur, pour rappel, ce sont ces hommes avec leurs capes et leurs masques qui sont presque considérés comme des dieux dans certaines parties du globe, de ce qu'il en reste en tout cas. C'est ceux qui ont le savoir, non, c'est ça? Pardon? C'est ceux qui ont le savoir et tout ça? C'est exactement, c'est ceux qui collectionnent le savoir. Vraiment voilà, pour récapituler, c'est... Généralement, ce qui se passe, c'est que les ferrailleurs vont essayer de dénicher des artefacts de plus en plus vieux qui contiennent des données, et le chroniqueur les récupère et essaie de récupérer le plus d'infos possible. Leur objectif final étant de réanimer le flux qui était l'internet, en fait, des années 2050. Eh ben, bon courage. Donc, ouais, mon ami a pu cuisiner un petit peu Simons. Ah, Simons. On a eu les infos qu'on voulait, et puis on a dû le rendre à d'autres cultes. Il est parti chez qui? Oh, je sais même plus. Là, actuellement, il doit être avec les juges. Oh là. Ok. Enfin, les juges. Ses anciens collègues, pour être plus précis. Ouais. Mais bon, voilà, c'est plus notre sort. Non, ouais, il faudrait que je vous parle. Bah, nous sommes là. C'est justement ce dont je discutais avec Axel. Vous voyez Malware, donc là il repointe un petit peu la tête le chroniqueur qui est juste à côté de lui, qui dit pas un mot pour l'instant. C'est pas un chroniqueur comme les autres. Disons que il est du genre, on l'utilise pour arracher les infos auprès des gens. Ainsi, il fréquente toute la sphère un peu, on va dire, underground de justicienne. Tout ce qui se fait de pire en matière de criminels et de... Enfin bref, tous ces magouilles, les complots, tout ce jeu. Ouais. Et récemment, il est tombé sur quelque chose de plutôt intéressant. Enfin, vous allez voir. Suivez-moi. Vous voyez qu'il se lève. Et puis il commence à se diriger au niveau du bar et des loges, surtout. Je suis. Ouais, bah bien sûr, allons-y. Oui, je considère dans ce genre d'action, quand on vient, on suit naturellement, on va pas rester planté là. Oui, oui. Non, non, je reste là, je regarde le plafond. Vous suivez, vous commencez à passer au niveau des loges, et là vous voyez, vous rentrez à l'intérieur. Donc vous suivez un petit couloir qui mène à plusieurs pièces, vous croisez plusieurs combattants que vous aviez vus tout à l'heure. Certains blessés, d'autres qui ont l'air d'aller un peu mieux, qui sont en train de discuter, enfin qui font du passage quoi, au niveau du bar. Et puis vous rentrez dans une petite pièce. Vous voyez la pièce complètement vide, il y a juste une table et puis un bureau. À ce moment-là, le commissaire sort de sa poche quelques papiers. Et puis il les pose sur la table. Alors les gars, comment dire? Je suis au regret de vous annoncer que votre tête est mise à prix. Hein? Je sais pas ce que vous avez fait, mais quelqu'un a mis votre tête à prix. Pour des mercenaires, des chasseurs de primes? Ouais, dans l'idée. Après, c'est vraiment le genre d'info qui circule pas beaucoup, normalement. Ça se fait pas vraiment, mais là, visiblement, quelqu'un est suffisamment prêt à payer cher pour qu'on vous ramène vivant. Ensuite... Je sais pas. Malheureusement, on connaît pas l'identité de la personne qui a posé ça. Après, il faudrait voir les personnes qu'on a croisées qui pourraient avoir voulu nous mettre une mise sur la tête. J'ai pas beaucoup en tout cas, lorsque j'ai voulu ça, gars, moi j'étais plutôt. Enfin, il y a vos noms. Non, donc après, on risque pas de voir. Mais. C'est gaffe. Alors voilà, je sais pas si ces derniers temps vous avez l'impression Moi, vous entendez bien là? Non, moi j'entends pas beaucoup bien. Ouais. Ah, ça doit venir de chez lui alors. Je pensais que ça venait de chez moi, je t'ai renfermé la musique. Non, ah, non. Très bien. Ouais. Vous m'entendez mieux là? Ouais, c'est revenu. Hein. Non, c'est pas le micro, c'était un bug internet. C'était la connexion en fait. Qui... Ah, désolé. Ah. Très bien. Bon. Du coup, je sais plus à peu près où je m'en... Bah, il disait, je sais pas qui a fait ça, mais moi... Oui. Du coup, on peut dire, même si je vous ai payé, enfin, pas encore tous, mais la plupart, on peut dire que j'ai une certaine dette envers vous. Donc, ce que je vous propose, c'est le temps qu'on retrouve qui a posté ça, parce que Malware en est capable... vous vous écartiez un petit peu de justicienne quelque temps, quoi. Bon, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Ouais. Voilà. C'est sûr. Vous connaissez... Quelle auberge ? La Carafe. Vous connaissez, c'est une auberge à quelques kilomètres d'ici. Vous êtes en même pas 2 jours de marche. Je propose qu'on se retrouve là-bas d'ici quelques jours. Enfin, vous m'attendez là-bas, et puis dès que j'aurai plus d'infos, je reviendrai vous voir. À ce moment-là, vous serez libre de revenir ou pas, ça dépend de la menace. Je connais pas trop votre vie, mais ça peut autant être un illuminé qui aura pas vraiment les moyens de payer et qui veut juste vous mettre la pression que quelqu'un de sérieux et de dangereux, et qui a des contacts. Ok. Et maintenant, même si voilà, la ville est entière et par votre housse, et c'est pas le genre de truc qu'on affiche dans la rue, on peut imaginer qu'il y a déjà au moins un ou deux mecs minimum sur le coup. Bon, ça bah... se trouve, ils vous ont suivi jusqu'ici. On va faire profil bas alors, si c'est ce qu'il faut faire. Eh ben écoutez, très bien. Si vous voulez, il y a une porte à l'arrière, vous pouvez sortir par là. On va l'ouvrir spécialement pour vous. Et puis voilà quoi, vous quittez la ville. Vous vous rendez à la Carafe et puis on se retrouve d'ici quelques jours. Je regarde les autres et je leur fais un signe de tête, genre ça vous va? Ouais, bah ça me va, écoute. Ouais. Bon bah allez hein. C'est parti! Parfait. Bon allez, en attendant, si vous voulez profiter de la fête, c'est peut-être la dernière. Oui, qui sourit un peu, limite fier de sa blague. Ouais. Et puis qui quitte la pièce. Ouais. En reprenant ses documents. Si vous avez jeté un coup d'œil, j'imagine, pendant la discussion, en effet, je précise ce qu'il dit a l'air vrai, quoi. C'était ce qu'il avait écrit sur les papiers, donc. Donc, généralement, vu que les appareils photos sont très peu courants. Ça se fait par des gros paragraphes descriptifs pour. Oui, il n'y a pas de photo, il n'y a pas une. Décrire un visage dans les moindres détails en fait, autant qu'on le pourrait le faire. Au pire, il pourrait nous dessiner presque. Oui, mais il n'y avait pas de dessin non plus. Ouais, bon, déjà ça. Ça se fait. Déjà, c'est quand même. Ça nous laisse une petite marge de manœuvre. Pour être trouvé, parce que bon, un hospitalier, un anabaptiste et un apocalypse oui. dans la justicienne. Mine de rien, justicienne, c'est assez grand. C'est grand. Non mais, c'est vrai que là où il faut faire attention, c'est vrai qu'ils peuvent essayer de remonter, par exemple, jusqu'à vous, via vos cultes, en fait, c'est la première... Mais bon, après, c'est vrai que c'est pas courant d'avoir un hospitalier, une anabaptiste et une apo qui marchent ensemble dans la rue, tranquille. <C'est vrai. rire> Donc ça peut être aussi gênant. Vous entendez la musique qui commence à se jouer en fond dans la pièce principale, là. Sans doute au niveau du ring, hein, maintenant qu'il est vide. Bon, on fait quoi? Vous voulez rester un petit peu ou on s'en va direct? Bon. On peut rester, on a rien à craindre, c'est pas 3 pecnos qui vont me faire chier. Écoutez, moi ça va, enfin après vous savez que je vais pas venir forcément profiter de la fête, hein. Je vous laisserai, mais je regarderai, je jetterai un œil de loin pendant que vous profiterez de la soirée. très bien. Bah allons-y alors. Parfait. Est-ce que vous faites certaines choses spéciales durant la passer attention, je sais pas, des choses que vous voudriez faire? Bah non, moi je fais que j'ouvre l'œil, c'est tout, et puis je regarde les gens. Moi je vais juste profiter des festivités. Ouais, pareil en fait. J'ai peut-être été déconnecté. Deux secondes. Bah, normalement, ils auraient pu. Dis à ta fibre de devenir stable. Pardon ? Il faut dire à ta fibre d'être stable. En plus, t'as la fibre. C'est quoi cette fibre ? Alors. Vous profitez de la fête. Vous passez à peu près la soirée à l'intérieur de la brigade. Vous allez boire des coups au bar. L'alcool est très peu cher. On va même pas le compter, enfin si, quoique. Allez, on va dire. Toi, Tori, de ton côté, tu vois pas? Non, surtout pas ce genre d'alcool là, quoi. Si je dois boire, c'est autre chose. Très bien. Eh bien, Abby et Mokosh, vous perdez chacune 4 lettres de change, sauf si Abby continue de payer pour. Je paye pour Mokosh parce que je suis riche. Et que je l'aime. J'ai commencé à devenir un vrai parasite. Tu as le capitaliste d'un côté et le... Mais non, mais de l'autre côté, j'ai toujours des remords par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques temps entre nous, et du coup, toute occasion est bonne pour se faire pardonner. Je te paye toujours pour ça. Salope. Du coup, bah... en tout, ça fait combien de lettres de change en moins pour moi? 8. Bon, ça va, c'est pas cher. Non, ce que j'ai dit, l'alcool il est très peu cher. On a bien bu. Ok. Leur marge, ils se la font sur les paris et pas sur la vente d'alcool. C'est écrit. C'est fait. Ok. Vous profitez aussi un peu de la musique. Alors la musique, forcément, c'est pas fait avec des radios et des enceintes. Hein. C'est à l'ancienne. Hein. C'est des gens qui jouent en acoustique. Donc en fait, ça a presque un petit côté médiéval. Avec des foires qui tournent. Et puis, vous renseignez aussi sur là où se trouve la Cara. Vous en avez déjà entendu parler. Vous êtes même passé une fois ou deux par là. C'est une auberge qui est assez connue, hein, qui est sur la route. Et du coup, vous vous mettez en route. Peut-être que vous passez rapidement par vos domiciles pour y récupérer quelques affaires. Oui, bah oui, vu qu'on ne sait pas combien de temps on va y rester. C'est ça. C'est ça, oui. Mais bon, dans tous les cas, Abby a de l'argent, et comme elle le dit, vu qu'elle a beaucoup d'argent, vous devriez pas avoir de problème par rapport à ça. Il y a une ville qui est pas très très loin de la carafe, vous pourriez faire un tour. Ouais, c'est cool. Okay. À la limite, on peut faire un tour au marché pour voir s'il y a pas un petit équipement qui pourrait nous intéresser. Alors, malheureusement, là, enfin, je sais pas si tu parles du marché de justicienne ou de celui... Non, non, je parle oui. de... Je sais pas, je pense qu'il va avoir un petit coin de vente. Oui, bien sûr, c'est. En fait, c'est des marchés un peu plus modestes, mais les emplacements sont moins chers que justicienne, donc il y a pas mal de gens en fait qui petit à petit s'expatrient dans les villes aux alentours. Ouais, okay. Et le protectorat qui a tout unifié, hein, donc toute cette partie de la Borca et un petit peu aussi de Franca, permet justement autant que possible d'être sur des territoires de libre passage. Il y a encore pas mal de problèmes avec les clans, mais en général, ça va. Du coup, vous repartez, vous déambulez pendant les grandes rues justiciennes qui sont extrêmement calmes une fois la nuit tombée. Puis vous vous mettez à quitter la ville de nuit. Vous marchez comme ça. Alors, il fait un peu froid, mais vu que le printemps est revenu il y a quelques temps, finalement, ça va, c'est supportable. Et vous commencez à emprunter les grandes routes. Vous croisez quelques caravanes de ferrailleurs. Qui eux partent pour aller récupérer des artefacts. Vous faites un bout de chemin avec eux, vous discutez rapidement de 2-3 trucs, de conneries. Enfin, voilà quoi, là. Du beau temps. Et puis, assez rapidement en fait, vous arrivez au niveau de la carafe. Vous avez mis quand même plusieurs heures, mais par rapport au trajet que vous êtes habitué à faire, au final, ça s'avère presque être une balade de routine. Donc, comme je le disais, alors que vous arrivez au niveau de la carafe, il est au moins midi, même peut-être un peu plus. Vous avez un juge qui vous attend. Enfin, il vous attend. Il avait l'air un peu dans ses histoires, mais lorsque vous approchez, il s'approche de vous. Notamment de toi, Doric. Comme, presque comme s'il te connaissait. Alors qu'il dit rien, c'est un juge en tout ce qui est lambda. Il s'approche et puis il commence à vous adresser la parole. Putain, c'est toi là? Mais qu'est-ce que tu fous là? Hein? Doric, qui parle! Comment ça? C'est moi? C'est vous, Nicolas? Ah non. Vous savez depuis combien de temps on vous cherche? Nicolas, je ne connais vous pas. Vous étiez allé au pute, c'est ça? Mais je ne connais. C'est pas lui! Je ne connais pas de Nicolas. C'est pas vous? Non. Ah, désolé, il y a méprise, mais on cherche un hospitalier et justement, bah, je voyais en compagnie de. Là, il te regarde, Abby, excusez-moi, mais. Un hospitalier qui va au pute? Bon, Oui, bah écoutez, hein, moi je sais pas là, le problème c'est que. C'est un concept. Mais oui, écoutez, je ne connais pas de Nicolas. Vous auriez croisé personne sur la route par hasard? Non, pas à ma connaissance. Ok. Bon bah. Et vous cherchez pourquoi en fait? Je sais pas là, on a un hospitalier juste là qui dit avoir perdu son aide-soignant pendant la nuit alors qu'il campait pas loin d'ici. Un hospitalier qui a perdu son aide-soignant? Oui. Ah. Son apprenti en soi, si vous voulez. Oui, non, je sais, mais c'est pas courant. Pardon? Bah non, justement, c'est pour ça, on sait pas où il est et il dit qu'il a disparu au beau milieu de la nuit. D'accord. Bah dommage pour lui. Bon. Bah il est autant pour moi. Mais y a pas de souci. Allez-y. Bon courage pour le retrouver. C'est quand même con de perdre une personne comme ça. Tu vois quand tu passes, y a le juge qui se retourne. Et puis, qui dit rien, tu vois, c'est juste. Il est interpellé par ce que tu viens de dire. Et puis, vous vous rendez au niveau de cette auberge avec justement les criteaux, la carafe, juste ceux qui surplombent la porte d'entrée. Vous vous rendez à l'intérieur et, comme venez de vous le décrire le juge, vous voyez un autre hospitalier. Plutôt vieux, qui est équipé d'une paire de lunettes et de tout un attirail en cuir. La carafe, elle a tout de ce que peut avoir une auberge. Hein. C'est vraiment l'auberge un peu cliché avec des alcôves dans les coins pour pouvoir placer des tables et des voyageurs qui s'arrêtent pour boire. Elle fait également chambre d'hôte. Il y a des chambres à l'étage. Et il y a une cave avec à l'intérieur tout ce qu'il possède en termes de nourriture et de boissons. Mine de rien, le fait qu'elle soit à une journée de marche de justicienne fait qu'il y a pas mal de passages et donc elle est plutôt bien cotée en fait. Hein. Finalement, c'est assez propre. Hein, je veux dire, il y a toujours cette éternelle poussière rouge qui se répand un peu partout, mais c'est pas ce qu'on pourrait avoir dans des endroits complètement paumés en pur garé par exemple. Et vous voyez en plein milieu ce hospitalier qui. Semble complètement dépité. Au moment où tu rentres dans la salle, Toric, tu vois qu'il a une fraction de seconde pendant laquelle il espère retrouver son aide-soignant et puis se rendre compte que c'est absolument pas cette personne. Et pour vous le décrire, justement, il ressemble au cliché hospitalier, hein, son crâne rasé, sourcil rasé. De toute façon, c'est tout. C'est ça. Il a l'air quand même relativement âgé, sans être un vieillard. Il a un visage assez marqué. Il possède aussi des lunettes de vue. Et vous voyez qu'il est équipé d'un petit attirail en cuir avec un masque qu'il porte autour du cou. Okay. Vous voyez, vous entrez et puis il s'approche de toi, Toric. sans vous laisser le temps même d'aller au bar, et puis il commence à parler. Bonjour. Bonjour. Non, c'est pas le bon, désolé. Pardon. Non, je sais bien. Je me présente. Carmino Ferro. Je voyageais en compagnie de mon aide-soignant Nicolas. Malheureusement, ce dernier a complètement disparu. Vous l'auriez pas croisé par hasard ? Je sais pas si vous avez croisé les juges. On les a mis sur le coup. Oui, effectivement, mais... nous avons eu un des juges qui, dans un premier abord, a cru que j'étais lui. Mais non, hélas. Hein, mais non, nous n'avons pas croisé d'hospitalier sur le trajet. Ouais, pourtant, vous n'avez rien en commun. Oui, mais après, vous savez, pour les autres, on se ressemble un peu tous. C'est ça, stagiaire, hein. Je vous jure. Mais vous avez déjà eu des problèmes avec lui avant ? Non, je sais rien, on était juste... on s'apprête à effectuer un grand voyage, donc on doit retourner de là où on vient. Donc on s'était dit qu'on allait camper, et puis le lendemain matin, il avait complètement disparu. Et vous a jamais posé de problème ? Non, justement, ça avait l'air d'être un petit gars, je sais pas, il parle pas beaucoup, mais bon... je devais lui enseigner le métier, quoi. Et quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois, et où ? Bah du coup, c'était hier soir, c'était à quelques kilomètres d'ici. Dans notre camp. Au camp ? Au camp, et là ça fait... on était tous les deux, quoi, et je le cherche depuis maintenant, depuis ce matin. Alors je suis venu ici, je me suis dit peut-être qu'il est allé boire un coup, je sais pas, sans me prévenir, mais non. D'accord, vous avez demandé un peu à tout le monde, au barman, s'il a croisé... Ouais, on a alerté des juges qui passaient par là, et puis... bon, ils font leur taf de juge, hein. Bah écoutez, si jamais je viens le croiser, ou si j'ai des nouvelles, j'essaierai de vous en faire part. Ok, très bien, merci. De rien. Ok. Et vous voyez qu'il repart et qu'il commence à s'adresser à des gens qui sont de leur côté en train de picoler. Enfin, de picoler. De boire gentiment, assis sur des tables un peu retranchées. Et vous vous retrouvez là, en plein milieu de la carafe, avec vos affaires. Vous voyez comme dans toute auberge, un bar justement avec un homme qui sert des clients. Bah je vais me faire servir quelque chose. Bah pareil. Puis j'offre parce que je suis gentil toujours. Très bien. Qu'est-ce que je vous fais? Si vous voulez, on a un bouillon végétarien, de la bouillie de cafard et un peu de viande rouge. Excusez-moi, j'ai pas très bien entendu à travers votre truc cybernétique. Aujourd'hui, on vous propose de la bouillie de cafard, de la viande rouge, et si vous voulez, on a même de la nourriture végétarienne. Nourriture végétarienne. De la viande rouge, c'est bien. La viande rouge pour moi aussi. Ouais, moi je prends la bouillie de cafard. Ok, parfait. 10 lettres de change pour les deux, et puis vous, la bouillie de cafard, ce sera 8. Bah, je paye le tout. Monsieur, votre masque, elle a raison, hein, votre masque, c'est pas ouf pour vous comprendre. Il bug votre masque. Vous êtes un peu électronique, non? C'est un robot. Nous sommes dans Star Wars. Tu vois, c'est un chroniqueur au bar. Son masque semble déconner. Avant quelques interventions. Le chroniqueur barman. Du coup... alors attends, je vais faire le calcul moi-même, ça fait 28. 28, c'est bien ça. Allez, mais je suis tellement fort en calcul mental. Ouais, c'était pas évident pourtant. Ouais, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Tu es fort généreuse. Bah écoute, j'ai plus de 800 lettres de change, t'inquiète. 28, ok, mais en reste 800 lettres, tout va bien. ça peut être valeur en plus, ces trucs. Voilà. Vous allez vous asseoir à une petite table au niveau d'une des alcôves. Et puis il arrive assez rapidement avec ce que vous avez commandé. Vous, vous avez de la viande rouge, tout ce qui est plus classique, servie dans une assiette avec des couverts en étain. Toi, Abby, tu vois, je monte ta bouillie de cafard mélangée avec des pommes de terre. C'est pas la première fois que t'en manges, hein. C'est pas spécialement délicieux, mais c'est assez assaisonné pour avoir un peu d'intérêt. Bien. Vous dégustez ça tranquillement, et puis... Est-ce que vous avez des choses dont vous voudriez faire en particulier Bah là, disons que c'est pas super évident parce que on vient là un peu contraint forcé, donc on n'a pas de réelle mission, mis à part peut-être partir à la recherche d'un hospitalier, mais bon, je pense que c'est pas l'urgence du moment. Il y en a assez d'hospitaliers. Mais ouais, bon, à part juste profiter de l'instant, se poser, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion non plus de pouvoir se prendre du temps pour soi, on va dire, quelque part. Bon, à la limite, je veux bien faire un petit tour de regard de la salle, voir si ça par rapport au potentiel client. Sait-on jamais, hein, c'est toujours utile. Très bien. Fais-moi un G. Oui, monsieur. Alors, je réfléchis un petit peu. Allez, pense 20 dés au cas où. Je dirais soit instinct empathie, soit instinct perception. C'est toi qui choisis. Ça revient exactement au même pour moi. C'est... Voilà. Je l'avais fait exprès. Des. Je le savais. Du coup, je vais prendre empathie parce que je suis quelqu'un de. Avec une difficulté de 2. Oh, tu vois. Et... Ah non! C'est un truc bordel, j'ai l'impression que la balance est dés sur la table. Alors, acheté à l'autre bout de la je balance un dé, parce que je viens de perdre un dé littéralement. Je sais pas où il est passé. Alors, j'ai fait du coup sur 4 dés, 3 réussites, dont un déclencheur. Très bien. Oui, c'est ça. En effet, tu vois un claniste. Donc, pour rappel, ce sont ceux qui n'ont pas de clan en fait au final. Qui assis à une table semble un peu isolé du reste. Tu vois le mec, il a dans la trentaine, plutôt bien habillé, et puis ça semble être un simple voyageur, hein. Ou peut-être un habitant de la région finalement. Tu remarques qu'il a des affaires à ses pieds, mais qui sont relativement, on va dire, petites. Pour un seul sac, ça fait. Ça ferait bizarre quoi pour un voyageur. Donc finalement c'est peut-être quelqu'un du coin. Okay. Et puis il a l'air d'être là justement juste pour manger au final. Sans rien d'intérêt. Contrairement aux autres groupes qui sont formés de part et d'autre, qui eux, bah, ils sont dans leur discussion, hein, ils sont sur le départ, ou donc c'est soit des gens qui viennent, qui sont pressés d'arriver à Justicienne, soit des gens qui en partent et qui n'ont pas le temps de s'attarder. Intéressant. Et moi je mange de la viande. Ok. La viande. Tu manges la viande. Avant de la manger, tu introspectes un petit peu ton assiette et... Bon, vous êtes proche de Justicienne, hein. Ça te semble pas être la pire chose que tu pourrais trouver, hein, clairement. La viande semble en bon état. Bah, sans, ouais. Sinon, je l'aurais pas à manger. Non, mais hé, hey, oh, je fais quand même des lavements à chaque fois que je rentre. Donc, c'est quand même que je fais attention à mon corps à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pas notre faute si t'es quelqu'un de chelou. Hein. Mais ouais, non, c'est bizarre. La santé, c'est plus important. Oh, au pire, ça fait plus de viande pour nous, coche. Oui, voilà, pour le coup, elle est mangeable, donc je la mange. Ouais. T'es sûr, Toric, hein? en touchant la viande, t'es sûr, hein? Et là, je vous regarde, je fais... C'est ma viande à bord. Ok. Bon. Vous avez Toré qui crache dans son assiette. pour s'assurer que vous alliez pas toucher à sa part. Abby, est-ce que tu tentes une approche, que ce soit maintenant, on va dire, dans l'heure qui vienne, auprès du claniste? Alors, peut-être pas maintenant, mais je pense que c'est dans la soirée, s'il reste là. Okay. Donc là, maintenant, je vais profiter du moment avec le groupe, quoi. Genre, on va se détendre. Et genre, sinon, à la soirée, il est encore là, je me dis, je peux en faire un potentiel client. Ok. Vous vous arrêtez là. Toi, tu sors un jeu de cartes que tu avais sur toi, donc le fameux tarot de l'apocalypse. Et même si tu ne sais pas lire dans les cartes, comme certains apocalyptiques le font, tu peux toujours l'utiliser pour jouer au tarot, hein. Soit vous faites quelques parties. Maintenant, c'est vrai que tu sais que les parties de tarot sont plutôt sont plus intéressantes, plus le nombre de joueurs est là. Tu pourrais tenter, si tu le veux, je veux pas te forcer la main, hein, mais si tu le veux, ça peut être un prétexte pour l'inviter à jouer. C'est vrai que le tarot, plus il y a de joueurs, plus c'est intéressant. Parce que oui, en effet, aussi, il semble rester là. Il semble pas avoir de choses à faire après vous. Bah je demande aux autres, parce que j'en connais un dans le groupe qui pourrait faire chier, et c'est un homme. C'est un homme. Je ne désigne personne, je dis juste qu'un homme dans le groupe. Mais ouais, bah du coup, s'ils sont d'accord pour que je l'invite pour qu'on fasse une partie de tarot, et puis à la limite on fait une partie avec mise, et comme ça, ça peut motiver certains à jouer là. Non, mais c'est bon, ça va, j'ai ma combinaison, je peux toucher les cartes. Voilà. Au pire, j'ai mon masque, hein, au pire, hein. Si vraiment j'en ai besoin, j'ai mon masque. Putain, il a ce Donc c'est bon, bien sûr. Ok. Bon bah, vu qu'ils sont d'accord, visiblement, bah, je vais en profiter, ouais, pour l'inviter. Ok. Et joue au tarot. Tu te lèves et tu vas le voir. De manière, avec des lettres de change en jeu, juste parce que ça m'éclate. Ok, très bien. Tu vas le voir, tu lui proposes de jouer. Tu vois qu'il avait l'air de réellement se faire chier assis là à cette table et qu'il avait pas l'air d'avoir autre chose à faire, donc il accepte sans problème. Et vous voyez qu'il vous rejoint à table, donc ce claniste. Le mec, globalement, il ressemble à n'importe quel paysan, il est plutôt jeune, plutôt mignon, habillé juste d'une espèce de grande écharpe qui fait le tour de son corps, et puis un pantalon et une chemise en dessous. Vous commencez à jouer. Vous jouez des plutôt petites sommes ou des sommes plus élevées? Bon, des petites sommes, ça va, c'est juste pour... C'est juste pour le voilà, pour mettre quelque chose en jeu. Oui. Ouais. Très bien. Pour la blague, on va se faire un petit jet. Allez. Moi, je suis tout à l'heure. Alors. Ça me ferait du game. J'aurais à peu près ce que je pourrais vous faire comme test par rapport à ça. Mais en plus, c'est con parce que je connais pas du tout le tarot, donc je sais pas en vrai comment ça joue, genre si c'est stratégique ou plutôt aléatoire. Donc... Je pense que je vais vous laisser le choix par rapport à la manière dont vous le jouez. Ça pourrait être soit de l'intellect concentration, simplement. Ok, je prends ça. Soit de la psyché ruse. On va prendre ça. Genre, il y en a un, je vais lancer. Alors, ruse, c'est laquelle déjà? Ah putain, en anglais, c'est ruse. Ah, oui, c'est vrai. C'est que new reaction. C'est où, bon, là ruse, quoi. C'est quoi, c'est de quoi je parle? J'ai pas écouté. C'est soit intellect concentration, donc intellect focus. Ouais. Soit psyché ruse, qui en a fait en anglais. Ça doit être cunning, je pense. Parce que reaction, c'est pas ça. Willpower, c'est pas ça. Ouais, c'est la mentalité. Volonté, willpower. Domination, c'est tromperie. Domination, domination, non, c'est cunning. Activité. Oui, c'est ça, c'est cunning. Ok, donc en fait, j'ai le choix entre lancer un dé et lancer 6 dés. Ah, voilà. Franchement, j'aurais du mal à choisir. Ouais, franchement, je pense que. Je vais peut-être essayer intellect. Ce sera intellect et quoi? Et focus, c'est ça? Intellect c'est et ça. Focus? Alors. Bon, bah, sur 6D, j'ai fait 3 réussites et 0. Déclencheur. Ouais, déclencheur. Très bien. C'est pas ouf. Et alors, moi, j'ai fait 4 réussites et 1-1. 4 réussites, ok. Moi, aucun déclencheur. Aucun déclencheur, non. Et toi, mon coche? Seule réussite. Et pas de déclencheur. Ok. Eh bien, au final, vous ne gagnez pas d'argent durant cette partie. Au contraire, le joueur en face semble se montrer plutôt habile. Moi, c'est pas un souci, tu vas pouvoir être sympa. Finalement, vu que... Enfin, vous êtes là en pariant des petites sommes sans vraiment le parier, quoi, juste pour faire tourner. En fait, l'argent globalement se retrouve même pas dans ses poches. En fait, il fait que tourner de personne en personne, et puis au final, ça s'équilibre. Surtout vu qu'en fait, vous êtes, on va dire, entre guillemets, ensemble. Il se passe pas grand chose. C'est juste, voilà, une partie, vous vous amusez bien. Vous voyez ce qu'en effet, tout le principe du tarot réside dans le fait que il y a un joueur qui se ligue contre les autres. Et potentiellement une de ces autres personnes est en réalité de son côté également et va tenter de l'aider de manière plus ou moins subtile. Ok. Ouais. Ah, ah. Je me demande dans quel camp tu es. Certains diraient un traître. D'autres diront synonyme de chien. Les rageux diraient c'est un traître. Puis la soirée passe, vous recommandez à manger et j'imagine chacun une nuit à l'intérieur. Bah oui. Ok. Oui. Vous avez précisé que vous comptiez rester quelques jours. Vous voyez le. En fait, au final, ils vont juste cumuler sur une ardoise vos notes que vous prenez et vous devrez tout payer une fois le dernier jour, une fois que vous quitterez les lieux. Ouais, une fois qu'on fera sans payer. T'as pas besoin, c'est moi qui paye tout. Abid, de ton côté, est-ce que donc tu tentes d'user tes charmes pour... Ah bah maintenant oui, tout à fait. Maintenant qu'il a été attiré... Tu vas me faire... un jet de charisme séduction. Bon, c'est parfait, je lance encore ça. Avec une difficulté de 2. J'ai le droit de relancer un dé de ton choix étant donné que vous avez joué au tarot. Ce qui crée une espèce de lien entre vous. J'ai l'impression que je garde ça. Mais écoute, je vais retirer le 1, tant qu'à faire. Et qu'il se transforme en 6, mais genre, mais comment tu veux le... Ce soir, les dés sont de mon côté. Ce qui est parfait, du coup, ça me fait 4 réussites, dont 2 déclencheurs. Oula! C'est une très grosse réussite. Il te donne tout son argent. Non, tu gagnes déjà 50 lettres de change. Oh putain. Waouh. Tu vois, c'est... Oui, il m'aime bien. Mais pas seulement. Parce que... finalement, le lendemain matin, au réveil, donc là, la nuit est passée pour tout le monde. Il t'apporte le petit-déj. Non, vous vous retrouvez à discuter... au début de Toric, et puis finalement vous enchaînez sur l'hospitalier. Puis là vous commencez à parler justement du mec qui cherchait son aide-soignant. Et tu vois donc Hera, parce que c'est le nom de la personne qui est avec vous, qui commence à te parler. Et puis il fait ouais... par rapport à ça, alors je sais pas si c'est quelque chose à voir, mais moi j'avais surpris un clan au nord-ouest qui s'était installé. Enfin, au début, je pensais que c'était des cafards. Et puis, je sais pas, j'aurais dû les balancer, mais je me suis juste barré. Il devait être quoi, 3-4 à tout casser, même pas. Enfin bon, je pensais qu'ils allaient partir, moi, qu'ils étaient juste de passage, mais avec ce qui s'est passé, à tous les coups, ils ont kidnappé le petit et ils vont demander un rançon. Ou alors, ils vont juste le tuer. Après, enfin, ce, comment dire, s'en prendre à un hospitalier, c'est pas Alors, très conseillé. de ton côté, tu n'es pas dans la pièce, Toric. Ah, pardon. Ah Il n'y a pas de souci. Tori qui pop sous le lit. C'est genre, pardon! Il était dans l'armoire. J'ai l'oreille collée sur le mur. Non, mais pas s'en prendre à l'hospitalier, c'est pas conseillé! Ok. Non, mais très bien. Du coup. Oh, attends, j'essaie de me prendre ça en prise de notes. Comment je pourrais résumer ça? En gros, il a. Pardon. Ça, tu peux avoir genre une version un peu réceptive que je pensais en prise de notes, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important Pat, si tu veux que je te résume ça à l'oral ou par écrit? là. Bah non, mais genre, tiens, en une phrase, tu vois, genre. Très bien. Normalement, ça me dit pas, désolé, mais. En une phrase, Hera semble avoir vu un groupe du clan du cafard. Donc, le clan du cafard. Là, je fais une aparté, hein, t'es pas obligé de noter ce que je veux dire là tout de suite. Globalement, ça fait partie, c'est l'un des principaux clans qui se ligue contre le protectorat. Donc, Ok. essayer de repousser ses frontières et de temps en temps, il les pénètre afin d'aller mettre à sac des cargaisons de ferrailleurs. Ils s'en prennent surtout aux juges. Enfin, voilà quoi. Ah ouais. Ouais, c'est ça, Et donc, il il semble avoir vu des membres du clan du cafard à quelques kilomètres au nord-ouest. Si tu veux, il donne la position sur une carte de la région. bon. C'est gentil. Plus ou moins là où il semble les avoir. Et il pourrait être impliqué dans la disparition d'un jeune hospitalier. Bah, ça fait une super piste. Qu'est-ce que... Tout toi, Abby, tu notes Information. cette info. De son côté, Hera, lui, il doit y aller. Ou avec d'autres clanistes. Ils sont censés aller escorter. Ils veulent se rendre dans des ruines, non moins. De ton côté, Toric, le matin, tu te réveilles pour aller prendre un petit déjeuner. Qui est compris dans le prix de la chambre. Donc tu vas grignoter, hein. On parle pas là de céréales et de lait, mais simplement de pain, enfin de pain perdu, de ce genre de choses, hein, ce qui coûte pas trop cher à produire. Et puis tu croises Kermino Ferro, accoudé à une table qui a l'air complètement déprimé. Ouais. Alors, Tu vois. Oui. enfin, je peux lui parler ou tu veux que Bien sûr. Si tu veux aller lui parler, tu peux. ou alors toujours pas retrouver ce Nicolas? Non, non. Écoute, on en a. Les juges sont allés interroger à peu près tous les alentours et ils ont trouvé personne. Et puis à tous les coups, on allait me piller le camp pendant que j'étais pas là. Je suis con, j'ai même pas pris les affaires. Après, nous, de notre côté, j'avoue qu'on n'a pas vraiment pris le temps de s'intéresser à ça, mais j'ai essayé de voir peut-être avec mes camarades pour s'ils sont intéressés pour Ce sera t'aider bien. à trouver ton assistant. Si vous voulez, je pourrais même vous donner quelques trucs pour vous remercier. Bah écoute, je vais voir avec elle et puis je tiens au courant. Écoutez, si ça vous dérange pas, parce que de mon côté, il faut que je fasse route le plus vite possible dans le sud-est. Faut que j'aille un peu regarder et puis. J'étais censé y aller avec mon acolyte, le former un peu, c'était une occasion pour lui rêver. Ouais, Et puis il évidemment. m'a fait faux bond. Bon, après, tu sais pas, J'espère qu'il lui est rien arrivé, hein. peut-être que c'est pas de sa faute, hein. On Disons verra bien. que c'est pas comme si on était dans une région sûre. Bah, du coup, je vais essayer de retrouver les demoiselles. Très bien, tu remontes, tu connais, tu sais où se trouve leur chambre. Donc tu peux assez rapidement les réunir. Hein. Tu vois à ton côté que Abby est déjà réveillée, Quand je dors. Mokosh dort. Donc tu Donc toques à sa porte et tu la est-ce réveilles. que Abby est réveillée mais seule? Oui. Bon, ça va, parce que sinon je vais pas rentrer. Du coup, bah déjà, je vais voir Abby, hein, je laisse pour... Elle est là en train de compter son argent sur sa tenue. Ouais, du coup, bah je tape à sa porte. J'attends qu'elle me réponde. Rentre. Ok, donc je rentre. Et alors, ça va, ça s'est bien passé cette nuit? Parfait. Bon, tant mieux pour toi. Et moi, j'ai recroisé l'hospitalier là, qu'on a vu hier, là, qui cherchait son assistant. Et il a toujours pas trouvé. Et il a l'air assez désemparé. Du coup, je lui ai proposé, bien sûr, j'attends de savoir si ça vous intéresse, de peut-être enquêter là-dessus. Et il m'a dit que si jamais on arrivait à résoudre cette affaire, il pourrait être enfin nous gratifier de quelque chose, quoi. Torik, tu sais pourquoi je fais pi? Ben écoute, j'ai une petite idée, mais bon. C'est parce que tu vois, quand on est pi, on est toujours au cœur des informations les plus intéressantes. Par exemple, là, tu vas me dire que potentiellement, on peut avoir de l'argent en aidant ce pauvre hospitalier. Et moi, je peux te rétorquer que j'ai déjà des informations là-dessus. Oh. Ok. Ben... Notre, mon cher client de cette nuit m'a révélé, genre ce matin, que... Alors, c'est qu'une piste, hein, mais qu'il aurait pu voir, du coup... Un groupe de cafards au nord-ouest, et que comme ils ont l'habitude de s'en prendre à des juges, ce genre de choses, peut-être possibilité qu'ils soient vivants là-dedans. C'est très intéressant, effectivement. Bah écoute, on va demander à Mokoche. Après, je sais pas si elle dort encore, mais je peux aller la réveiller si tu veux. Ouais, bah je préfère, vas-y, et puis on lui en parlera. Ok. Bah du coup je vais aller, je prends mes lettres de change et je vais aller réveiller mon coche gentiment. Ouais. Une grosse dans une. Abby qui commence à se réveiller. Alors oui, qu'est-ce qui se passe? Bah viens déjeuner, on a des informations sur ces histoires là, et il y a peut-être moyen de se faire un peu d'argent. Ouais, bah j'arrive. Attends, on peut même plus dormir. Grognasse. Ouais, vous descendez les escaliers et tu te retrouves aussi au niveau du petit déjeuner. Vous vous installez dans un coin et puis vous commencez à papoter. Ouais. Pendant ce temps-là, pareil, pain perdu, tout ce qui se fait pour recycler le plus de trucs de la veille qui vous est servi. Du coup, bah, j'entame un peu la discussion par rapport à ça, pendant qu'on mange. Du coup, je dis, bah, écoute, Mokoche, j'en ai déjà un peu parlé avec... Mademoiselle, et j'ai recroisé l'hospitalier qu'on a vu hier, qui cherchait son assistant, et a priori il l'a toujours pas retrouvé, il est un peu désemparé, et je lui ai proposé, avec votre aide bien sûr, d'essayer d'enquêter là-dessus, d'essayer de retrouver son assistant. Et du coup, il m'a dit que si jamais on y arrivait, il pourrait nous rétribuer quelque chose. Alors, je vais pas forcément parler d'argent tout de suite, mais des choses qui pourraient être intéressantes pour nous. Si ça te convient, bah voilà, on peut essayer d'enquêter là-dessus. Bah, a priori, vous avez décidé avant que je me lève, donc. Mais on n'a rien fait pour le moment. Enfin, genre, juste des informations au bon moment, et Doré qui a eu une conversation, c'est tout, hein, Mokoche, t'inquiète pas. Hein. Je n'ai, oui, pas, bah, encore... je n'ai pas encore accepté, hein. Je tenais à vous avoir votre aval avant. Non, bah, oui, si vous voulez partir à l'aventure, moi je pense juste que un petit apprenti hospitalier, bon, c'est indispensable, c'est comme un village entier. Oh, bah... oui. Salope. Mais bon, j'ai cru comprendre que la récompense, c'était quand même quelque chose de bien en soi, donc pour tout pour certains d'entre nous. Mais du coup, je me suis dit que ça valait le coup pour tout le monde. Tout le monde y trouve son compte quelque part. Je dois avouer être motivé plus par l'idée d'avoir des lettres de change à la fin que par l'idée d'aller retrouver un hospitalier. Hein. Vu comment ils sont chiants, ces gens. Mais on est utile aussi, tout comme vous. Moi aussi. Mmh. Ah bah oui. Voilà, hein. Quand vous avez vos petites maladies qui sont gênantes. Ah ouais, les nettoyages. Oui, bon, hein, c'est bon, on va pas commencer à revenir là-dessus. Bon, bah du coup, bah, oui, mais si c'est pour un peu d'argent, même si a priori on en a pas trop besoin, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Oh, ne dis pas à Abby qu'elle n'a pas besoin d'argent. C'est vrai que j'en ai besoin quand même. même si ça sert à rien, ça sert juste à être dépensé, mais... Bah du coup, s'il est encore là, je vais le voir vite fait, et puis je lui dis que c'est bon, on va essayer de s'occuper de ça. Alors je lui parle pas forcément du renseignement qu'a eu Abby sur l'oreiller. Mais que voilà, on va essayer de le retrouver. Très bien. Voilà. Et ben voilà, je retourne voir les filles et puis après, soit on fait quoi, vous voulez y aller tout de suite après le déjeuner ou vous avez quelque chose à faire avant? Moi j'ai rien de spécial. Moi non plus. Écoutez, autant y aller au plus tôt, comme ça on a une journée, la journée pour regarder tout ça. Ouais. Mais du coup, c'est quoi l'info? C'est où qu'on va? Bah, l'info, c'est que tu sais, il y a un. Ce clan là qui déteste tout ce qui est juge, tout ça, et qui est au nord-ouest. Les cafards. Ouais, les cafards. Et potentiellement, il pourrait être lié du coup à la disparition de ce jeune hospitalier. Mmh. Va falloir faire le ménage, quoi. Ouais. Effectivement. Bon, bah, pourquoi pas. Moi, je suis prête, en tout cas. Eh ben, allons-y. Let's go. Je confirme. Allons-y. Ok. Je sais qu'on peut y arriver. Vous prenez le minimum d'affaires qu'il vous faut, et puis vous repartez. J'essaie de prendre au niveau de la position indiquée. Au bout de quelques temps, après avoir marché dans cette direction, vous tombez sur ce qui semble être leur camp. Donc une simple tente avec des affaires enfermées dans une espèce de malle. Donc vous semblez être sur la bonne direction. Quand je parle du camp, je parle du camp d'hospitalier. Donc je précise, en fait, c'est deux petites tentes, une place, qui sont installées. Mm-hmm. Mais ça n'a pas l'air d'avoir été pillé ni rien. Non. Je le vois. Poursuivez, et je vais, notamment à toi, Abby, les autres, vous pouvez l'aider, en fait, faire un jet d'orientation par rapport aux infos qu'on t'a données. Oui, monsieur, alors... C'est vrai que je ne l'ai pas forcément détaillé, mais il a été un peu plus précis en parlant, je m'en décrivant les décors. Hein. C'est ce qui se fait beaucoup en l'absence de GPS et de Google Maps. Ok, orientation. Alors, je suis pas la meilleure. Du coup, pour l'aider, ça se passe comment, nous? Alors, en fait, pour l'aider, c'est simple. Vous faites chacun un jet d'orientation aussi. Donc sachant que orientation c'est dans instinct. Ouais. Et pour chaque déclencheur que vous ferez, Abby pourra lancer un dé supplémentaire. Ouais, et bah faites des déclencheurs parce que pour l'instant c'est pas glorieux. Pour chaque alors, déclencheur. Oui. J'ai fait 3 réussites et 2 déclencheurs. J'ai un déclencheur. Un déclencheur et une réussite. Donc en tout, je jette 3 dés supplémentaires, c'est ça? C'est ça. Oh là là. Eh, je vous aime, les gars. Parce que en vrai, j'avais fait 2, 2 et 1, 4. Donc c'était mal parti. Bah, faut qu'on serve bien quelque chose quand même. Ah, mais oui. Ah, ça, on aime. Du coup, mis à part que j'ai un triple de 2, j'ai 3 réussites, dont un déclencheur. Ok. Attends, 3 réussites, dont un déclencheur? Ouais, un seul. Ok. Tu vois, t'as un petit peu de mal à trouver, mine de rien. C'est, bah, forcément, c'est vaste, hein. C'est une espèce de désert de poussière. Et puis, finalement, au bout de quelques temps, vous apercevez une silhouette qui semble s'approcher de vous, qui vient de la même direction de celle dont vous venez. Qui semble être... Derrière vous ? Oui, qui vient de derrière vous. Ok, bah moi j'ai ma main sur mon espadon. Hein. Ok. Bah moi sur mon petit stylet. Vous avez du mal à la distinguer, il y a une espèce un peu de... Le vent qui soulève un peu le chemin de... Vachement, ça peut se dire, ça vous brouille un peu la vue. Et vu que la personne se trouve loin. Mais plus elle se rapproche, plus vous distinguez la silhouette d'un spitalier. Oh. Ok. Ah oh, c'était même pas la peine d'aller le chercher. Qui s'avère en réalité être Carmino Ferro lui-même, justement. Ah, ok. Ah bah ça perd les stagiaires, mais ça retrouve les autres. Ok, du coup on arrive vers lui et... Ouais. Et puis, vous l'aidez au niveau de la carte, enfin tu lui montes un petit peu... Non, alors déjà oui, pourquoi il est là, merci de l'aider. Bah écoutez, j'étais revenu démonter le camp. Parce que bon, au bout d'un moment, il va falloir que je parte sans lui, et puis je vous ai vu là-bas, donc je me suis dit que j'allais venir avec vous. Si jamais vous avez quelques infos, je sais pas, une piste, quelque chose. J'essaie de trouver des empreintes de mon côté, ça n'a pas été très glorieux. Faut dire que c'est la moindre des choses, hein. Oui, bah après, vous avez un peu une connaissance des lieux? Pas du tout. Ouais, bah je passe pas souvent par ici, mais je passe toujours par le même chemin. Donc je connais un petit peu, mais... Bon bah sans plus quoi, en fait, généralement on essaye juste de voyager pas trop loin de la route pour... Effectivement, oui. Pour éviter de tomber sur justement sur des embuscades ou autre, mais voilà. Bah nous on est en train de suivre... une piste probable, après on a rien de concret, donc maintenant on va voir ce qu'il y a au bout. Très bien, elle est censée vous mener où? Enfin, je veux dire, c'est... Bah, je sais pas, a priori, il y aurait un camp d'un groupe de personnes un peu plus loin, donc on va aller jeter un œil, on sait jamais, hein. Peut-être d'accord. Peut-être il est là-bas et qu'il s'occupe de blessés ou de et qu'il n'a pas eu le temps de vous prévenir, je sais pas. Ok, très bien. Voilà. Bon, après, tu vois. Oui. Ah oui, non, vas-y, continue. Non, vas-y, continue. Oui. Très bien. vous reprenez la route et puis avec son aide, finalement, c'est vrai qu'il a une expertise, enfin, il est habitué, hein, il a un peu de bouteille, un peu d'âge. Vous arrivez à trouver le camp. Parce que, justement, monter entre quelques ruines, qui se trouvaient finalement pas si loin que ça, du camp d'origine, vous apercevez au loin, pour l'instant vous n'êtes pas visible, ce qui semble être des silhouettes qui déambulent... justement au niveau des ruines. Okay. Et de loin, à la masse de vêtements que vous pouvez distinguer, où justement ça pourrait être clairement typique de ce qui pourrait être le clan du cafard. D'accord. On est d'accord que c'est hostile ce genre de truc. Oui, complètement. C'est aussi... Genre ça ne parlant, ça c'est même pas, c'est limite impossible de... Enfin, c'est possible, mais je veux dire, c'est... Il n'y a même pas de dialogue, en fait, qui se crée entre... Du coup, est-ce qu'on peut avoir, essayer d'avoir une vue mm-hmm. plus enfin, une meilleure vue du camp et des gens qui s'y trouvent, mais en ayant une position pas trop exposée, qu'on soit un peu fufu, quoi, si je puis dire. Ok. Ça va être un peu chaud, non ? On est au milieu du désert. Bah après, il y a des ruines, donc... C'est ça, vu qu'il y a quelques ruines... Oui, tu trouves une espèce d'amas de pierre devant tout ça, plus le justement, comme je disais, le vent qui s'est levé et qui fait, je crois, qui brouille un peu la vue à cause de cette espèce de nuage de sable qui soulève à chaque fois qu'il passe. Ça peut vous permettre de vous approcher un minimum sans vous faire repérer. Ok. Un minimum, genre. Ouais, ouais. Bon, c'est qui a la meilleure vue? C'est qui voit le mieux chez nous? Vous pouvez chacun essayer d'observer ce que vous voyez. Ouais. Ouais, on va faire ça. Bah, autant faire ça, comme ça, chacun pourra essayer de choper un... Alors, c'est dans quoi, ça? C'est dans instinct, perception, ça? Mmh. C'est ça. Donc, 4. Ok. Ah. Oh, putain. On est d'accord, quand on fait 1, ça requiert une réussite. Non, du tout. Ah, d'accord, je pensais. Un 1, c'est seulement si jamais vous avez plus de 1 que de réussite. Oui, c'est ça. C'est comme un échec critique. Bon, okay. Bon, moi j'ai fait 2 réussites et 1 1. D'accord. Mais du coup, les 1, je trouve. Oui, du coup, les 1 sont uniquement comptabilisés lorsqu'ils sont... supérieurs, ok. J'ai fait 4 réussites, dont 2 déclencheurs. Oh putain, j'ai fait que 2 réussites sans déclencheur. Très bien. Clairement, les gens qui sont là-bas sont des clanistes. Ils sont extrêmement reconnaissables. C'est mmh. justement ce côté un peu presque homme des cavernes. Des peintures de guerre sur le corps. Et puis, un manque justement visible de civilisation. Alors, on rentre un petit peu dans les clichés sur les clans, mais c'est... C'est un petit peu ça qui les distingue des autres, justement, c'est qu'ils se sont pas complètement adaptés à la nouvelle civilisation. C'est-à-dire qu'ils sont habillés vraiment en haillons. Tout ce qui se fait de plus simple, des choses qu'ils ont récupérées à droite, à gauche, qui savent pas entretenir, ils marchent pieds nus. Très peu sont dotés justement de chaussures, et puis généralement ils se battent avec des poignards, quoi. Et puis également, ils aiment bien utiliser tout ce qui est... aux humains ou aux bêtes pour faire des parures et orner leur visage, par exemple. Ok. Vous pouvez également déterminer leur nombre. Vous en comptez 4. 4 ? Oui. Ça va ? Ça va. Bon, après, c'est des clanistes, donc c'est pas des... Ça va, il y en a peut-être d'autres, mais vous en avez vu 4 en tout cas. Ils semblent être là sans aucune raison particulière. C'est vraiment étonnant, c'est qu'ils... Vous les voyez qui marchent, qui déambulent un petit peu comme s'ils avaient rien d'autre à faire que de passer le temps là où ils sont, mais leurs ruines qui semblent... C'est vraiment des petites ruines, hein, donc c'est-à-dire qu'il ne semble pas y avoir de sous-sol ou de souterrain comme sur certaines... Mais ils doivent bien avoir des tentes ou des choses, des trucs un peu comme ça, la primitive. Pas ici, ils ont peut-être un camp plus grand, plus loin. Attends, mais et du coup, en quoi c'est un camp? Il y a rien du tout, en fait. Si, vous observez, en fait, ce qui... Quand on va parler de tente, là, on va vraiment parler de, c'est d'un drap qui est accroché à un truc pour protéger du sable, ou d'un sac de couchage que vous voyez, enfin, vous distinguez la silhouette d'un sac de couchage posé... je sais même pas si c'est un sac ou juste, je sais pas... Mais on parle pas d'un vrai camp. Ils sont quand même capables de créer des vraies tentes, on va dire, avec... Mais ça, c'est des gros camps qui clairement, ça n'a rien à voir. Ok. Vous avez Termino avec vous qui clairement, lui, semble très décidé. C'est... Ouais. Ça pourrait être eux. À tous les coups, c'est eux. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, les gens? On fonce et on parle après? C'est... envisageable, je pense. Surtout que, bon... je regarde bien l'épée de Mokoche. On a des bons atouts. J'espère juste qu'ils l'ont pas encore massacré. Ouais, ça, par contre, c'est clair. C'est pour ça que je pense, enfin, genre... Il faut vite décider, genre soit on fonce dans le tas et on regarde après, soit on essaie de s'infiltrer pour voir s'il y a quoi, mais je pense pas qu'il faut perdre plus de temps que ça. Après, donc... est-ce qu'on peut pas, de toute façon, on est parti pour forcément, on peut peut-être faire un combat, mais est-ce qu'on peut pas essayer dans un premier temps de se rapprocher en essayant d'être le plus discret possible pour avoir plus d'informations sur le camp, et puis de toute façon, à partir du moment où on sera grillé, on sera grillé, quoi, donc on s'en fout, quoi. Enfin, de toute façon... Mais au moins, plus vite on aura des... Enfin, le plus d'infos on aura, le mieux c'est pour notre avantage, quoi. Parce que ça se trouve, on en voit 4, mais peut-être qu'il y en a 8, je sais pas, cachés, je ne sais où, mais on les voit pas. Oui, après, faut agir vite, c'est surtout ça, quoi, parce que oui, là... Oui, non, mais on peut avancer, en étant un peu fufu, quoi, en essayant d'avancer discrètement et regarder... Mais avancer, quoi. Et puis après, quand on sera grillé, mais il n'y a pas à y aller en courant, genre « Eh oh, on est là !» Si vous voulez. Oui, je sais, Mokoche, tu es plutôt partisan de... Bah, je suis plutôt d'accord pour le coup avec Mokoche dans l'urgence de la situation, quoi. On pourra très bien juste foncer et regarder après ce qu'il y a, quoi. Ouais, on n'est pas obligé de gueuler pendant qu'on court vers eux. Comme oui. Comme vous voulez. C'est vous qui avez de toute façon le plus d'aptitude au combat que moi, donc je vous laisse choisir. Mais bon, voilà. Bon, on y va alors. Bah oui, on avance. C'est parti. Enfin, oui, on les massacre. Ok. Bon, bah ok. On part du principe du coup que vous quittez votre étape de discrétion, enfin votre, on va dire votre couverture, sachant que c'est vrai que c'était très difficile de s'approcher tout en restant complètement discret. Ah, on a perdu la bille encore. Le PC est parti. Non, c'est bon. Ah, c'est moi qui avais bugué, je crois. Pas de soucis. Ok. Bon, je sais pas d'où ça vient, mais voilà. Okay. Du coup, je pose la question, parce que du coup, on est d'accord, vous décidez de quitter votre couverture afin juste d'affronter. Ouais, on part. Tête à tête. Moi, c'est ce qui semble être convenu. De manière s'approcher comme ça dans le désert en mode. Je veux pas. Vous commencez à vous approcher, vous avez quitté vos couvertures, vous vous dressez. Vous voyez Carmino avec vous, qui lui. Il est armé hein, aussi, donc il va clairement participer au combat. Un peu comme toi, Tori qui est l'armée d'un dilacérateur. Donc ils sont ces espèces de lances avec au bout un mollusque. Ouais. Et tout de suite, au bout d'un moment, vous comprenez que vous êtes repéré parce que vous voyez les silhouettes qui étaient plutôt à la marche, plutôt mine de rien calme, qui se mettent un peu à courir, qui reculent, et puis d'autres qui approchent. Vous voyez, ils sont 5. 6 peut-être même, mais pas plus. Mine de rien, ça va. C'est, enfin, ils ont l'air presque apeurés en vous voyant. Enfin, ils sont toujours prêts à combattre, mais vous êtes quand même bien équipé, notamment toi, Abby, qui en premier plan avec ton espadon en main, c'est plutôt impressionnant. C'est moi qui. Moi, j'ai un petit stylet. T'as un petit stylet, c'est vrai. Mais qui peut faire de gros dégâts aussi, hein. il faut oui, j'ai le truc où je peux enchaîner les attaques. Exactement, tu peux enchaîner les coups. Faut juste... Coup... Attends. Oui. Non, continue, je veux juste voir si j'avais pas noté déjà la règle de... C'est avec... Si je peux te la rappeler. Ouais, rapidement, si ça te dérange pas. Tu fais 2 déclencheurs, tu peux réattaquer une nouvelle fois avec 2 dés en main. Ok, merci. Et du coup, comme tout bon combat, on va commencer par un jet d'initiative. Je vais vous rappeler les règles par rapport à ça, parce que de mon côté, je les ai moi-même relues. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais oublié des règles un peu évidentes, comme notamment la valeur d'armure. Ah. Il peut protéger des dégâts. Même si de ton côté habite, tu n'en avais pas. Oui, totalement. Ça change rien. Moi, je suis juste en tenue légère. Voilà. Je vais vous rappeler la règle que lors du jet d'initiative qui se fait à chaque round, même si il faut avouer que dans Dead Genesis, vu que les combats sont assez violents, ça va pas se faire en 15 rounds. Hein. Vous allez pas faire 15 jets d'initiative en un combat. Hein. Ça, généralement, ça tourne autour de 2-3. Mm-hmm. Bon, là, c'est plutôt un gros combat quand même. Lors du jet d'initiative, donc ça va être un jet de. Alors, je vérifie pour pas dire de bêtises. Psyché réactivité. Oh, c'est bien ça. Je lance une dé. Et vous avez le droit de dépenser jusqu'à 3 points d'ego. Ouais. Pour augmenter le nombre de dés que vous jetez. Sachant que tous les deux déclencheurs que vous allez obtenir lors de votre jet d'initiative vont vous permettre d'obtenir une action supplémentaire par tour qui pourra aller de juste se déplacer à se défendre, à attaquer. Question, les compteurs d'ego, tout ça par rapport à la dernière fois là. C'est justement pour ça que je vous le rappelle aussi, c'est vrai que, aussi vu que là on entre dans une phase un peu différente du jeu, désormais contrairement aux dernières fois, les parties vont se suivre. Donc ouais. Les points ne sont pas réinitialisés, donc les blessures vont rester et l'ego devra être régénéré. Globalement, l'ego ça se régénère en mangeant et en dormant. C'est, Bah, du coup, là, l'ego, les blessures c'est plus long. Mais pour cette session là, on considère que du coup on est revenu à zéro, c'est ça? Oui, on considère que vous êtes revenu à zéro, mais lors de la partie prochaine, Jamais vous avez dépensé. On continuera vraiment. C'est ça. Complètement. Bah, du coup, je vais en. On peut aller jusqu'à 3, c'est ça? C'est ça. Je vais en mettre 2 de points de. Très bien. En ego. Ensuite, pour simplifier, parce que faire jouer des PNJ c'est un peu chiant, je vous propose de partir du principe que Carmino va combattre un. Claniste. Un claniste. Et juste qu'on les. Du coup, on jette pas les dés pour eux lors du combat. Ça me dérange pas de le faire, c'est vrai qu'on pourrait créer une interaction en plus, mais ça fera deux jets de dés à faire en moins. Ok. Histoire de centrer un peu l'action sur nous, quoi. Ok. Alors, du coup, l'ego dans la fiche. Personnage, c'est en blanc. C'est ça. Ouais, mais on peut pas les cocher, c'est un des trucs. Oui, ouais, je sais. Ça a pas encore été fait. Du coup, ça, là, c'est ça, vous pouvez le noter sur une feuille de votre côté, ou vous pouvez me le demander moi de le noter pour vous. Ah bah c'est gentil si tu veux bien. Celui-là, j'ai pas appris. Ouais, ce serait bien aussi. Très bien. Je pense que de temps en temps, n'hésitez pas, je peux vous faire un rappel sur les points que vous avez, les points qui vous restent. Ouais. Et du coup, là, si on met deux égaux, directement, ça fait que. Bah, t'as 2 dés. Ouais, c'est ça, 2 dés supplémentaires. Attends, du coup, tu m'as dit c'était. En plus. Enfin, c'était sur quelle. Quelle. Compétence hein. C'est sur réaction dans le Ah, réaction, ok. Ce qui fait que je vais lancer 4, 5, 6, 7 dés, ça devrait aller. Oh putain, et moi j'ai que dalle en. J'ai un psyché et rien en réaction. Ok, moi je me place 2 points d'ego. Et. Pas aussi. Bah moi je vais en mettre 2. Aussi. Je vais en mettre 2 aussi parce que. Oh là là, pas aussi. Donc, mon cher maître du jeu, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 réussites, dont 2 déclencheurs. Très bien. Alors, dans ce cas, je vais noter. Vous allez chacun me donner vos nombres de réussites, vos déclencheurs, et ensuite les points d'ego, je vais les renoter, de dépenser. Donc, 5 succès plus. Enfin, dont 2 déclencheurs, oui, c'est ça. Ouais, dont 2 déclencheurs. Ok. Et tu as dépensé combien de points d'ego ? 2. Très bien. De ton côté, Mokosh ? Alors, de mon côté, j'ai 6 réussites. Oh. Dont 3 déclencheurs. Oui, je fais tout mieux. Attends, je suis dans 2 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Et j'avais placé 2 points d'ego. Ok. Mokosh, 6 réussites. 6 réussites, dont 2 déclencheurs. 3 déclencheurs ? Oui, 3. Très bien. Donc, malheureusement, ça ne change rien entre 2 et 3. C'est à partir de 4 que ça. Oh, tristesse. Ah, salaud. Ah, si, attends, je fais Bouger un de mes dés. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc toi, tu as plus d'ego. Ok. Voilà. Enfin, je vous ferai un récapitulatif de vos points, combien vous en avez sur combien. Et Toric. Alors, j'ai utilisé 2 points d'ego. Très bien. Du coup, j'ai 2 réussites, dont un déclencheur. Et puis j'ai un 1, alors je sais pas si vous je le dise ou quoi. Je... Non, t'inquiète. Okay, tant que le nombre de 1 n'est pas supérieur au nombre de. Bah, donc 2 réussites et dont un déclencheur. Très bien. C'est toi, pas mal, hein, sur 3D. T'as lancé que 3D ? Bah oui, puisque j'ai 1 en psyché, donc 0 en réaction. Et donc j'ai mis 2 égaux. Ah oui ? Dis donc, oui. Du coup, sur 3D, c'est pas mal. C'est bien. C'est vrai, putain, je l'avais même pas. Bah écoute, c'est quoi, à la fin de la partie, je vous réexpliquerai. Enfin, j'introduirai sans doute dans la semaine les systèmes de points d'expérience. Tu voudras peut-être mettre. Ah bah, un peu, parce que moi, je sais que j'ai 22 d'XP là. Parce que moi là, ça pique. Hein, bien sûr. Y'a pas de soucis. Alors, je vais faire leur jet. Donc, de votre côté, vous allez en affronter 5. Je vais récupérer leurs stats. Et comme la dernière fois, je vous enverrai sur le chat. Sachant qu'ils jettent chacun 6 dés. Oh putain. Ah oui, quand même. Putain. Même moi avec mes 7 dés. On se retrouve avec une 3 réussites, dont 2 déclencheurs. Je vais être à la fin. Moi. 3 réussites. Déjà arrivé. Putain, une réussite sur 6 dés. Ah, c'est bon, heureusement pour moi. Ouais, ça, c'est une équipe de bras cassés. Tant mieux pour moi. 1, 2, 3 réussites, dont un déclencheur. C'est pas question nulle, c'est quand on est bon. C'est ça. Et. Encore. Non, 2 réussites cette fois, dont un déclencheur. Ok. Nous aurons donc ce tri là. En première position. Mokosh. Oh. Ça m'arrange au final. Ah oui, non, mais en plus Mokosh, hein, genre comme elle défonce tout. Qui jouera donc deux fois. Puis Abby qui jouera deux fois. Puis un ennemi, donc je vais l'appeler. Claniste. Hein, tout simplement. Et qui sera. Donc je vais également vous donner leurs armes, sachant que leurs armes peuvent leur donner des malus à l'attaque et également des bonus de dégâts. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Une arme qui fait beaucoup de dégâts. Donc lui, il est à l'arme légère. Donc arme légère, ce que j'entends par là. Non, je vais même écrire, ça sera plus simple. Poignard. Il attaquera deux fois. Ensuite, nous aurons un autre claniste au poignard qui attaquera une fois. Ensuite, nous aurons Toric. Puis nous aurons un claniste à l'arme lourde. Donc arme lourde, c'est comme Abby, donc ici une masse, donc une arme à deux mains, j'entends. Ouais, comme Mokosh. Oui, mince, putain, je veux dire comme Mokosh. C'est le principe de l'arme lourde, c'est-à-dire c'est une arme qui donne des malus si jamais il n'y a pas un minimum de déclencheur. Et enfin, un dernier claniste. Et lui, avec une épée. Et je suis pas le dernier. Magnifique. En 3D. Juste avant, tu peux me rappeler ma règle avec les. Alors, toi, c'est simple. Tu as une arme qui est dévastatrice en termes de dégâts. C'est. Et d'ailleurs, par rapport à ça, alors attends. Parce qu'il y a eu une espèce de air attaque qui est tombée. Parce que. Et du coup, je modifie ça. Simplement, je vais te le modifier, t'inquiète. En gros, lorsque tu attaques, si tu ne fais pas au moins deux déclencheurs, tu passeras ta prochaine action. Parce que c'est une arme lourde. Sauf si tu décides de changer d'arme. C'est-à-dire, par exemple, là, dans le cas actuel, c'est ma deuxième action qui passe là. C'est ça. Donc j'ai qu'un fois, hein, techniquement, si je le rate. Pardon ? C'est ça. Sauf si tu. Tu peux toujours utiliser ta deuxième action pour autre chose par exemple, mais si tu veux réattaquer, tu dois sacrifier une action entre temps. C'est presque en fait comme on pourrait le considérer comme un rechargement avec une arme à distance. D'accord, ok. Et je vais te demander d'ailleurs si ça te dérange pas de alors sauvegarder qui t'est affiche, mais normalement ça sauvegarde automatiquement. Je sais pas si t'as fait des modifs depuis. Oui, non, c'est bon. Très bien. C'est par rapport aux dégâts qu'elle fait. Qui vont être augmentés. Oh, en plus, putain, allez, oui. Mais Mokosh, cheaté. Mais ouais, c'est pour ça qu'on l'aime. Si vous voilà. Voulez vous asseoir derrière, c'est moi qui fais le boulot. Ta force, désormais, là, on prendra en compte ta force, mais divisée par 2 au lieu d'être divisée par 3. Mais c'est trop bien. On va, Mokosh, je vais taper Berserk. Tu me dis quand je peux y retourner. Berserk. Voilà. On va l'appeler Guts maintenant. Damage 8 F slash 2. Là maintenant, ça y est normalement ? Oui, normalement. Ah, attends. Peut-être là maintenant ? Viens voir. Alors, c'était quoi qui est censé être écrit, tu me dis ? Au niveau de ton arme, donc espadon, damage 8. Ouais. Le F, tu le vois, et le slash, ouais. Normalement, il y a un 2 ou un 3. Ok, il y a un 2. Mokosh regarde les gars et dit you're gonna die. Non mais moi je me sens immortel. Ah ouais, en fait ils ont une jusqu'au moment où ils vont m'empaler et que je vais mourir comme une merde. Et ils ont une All Blacks devant eux, tu sais, qui fait le AK. Non, moi je suis plus dans le genre la dent de la tronçonneuse. Dans Texas Chainsaw Massacre. Il te manque un masque alors. Oui, bon, ça passe. Genre, je suis avec mon épée, je tombe sur moi-même. Et bien, on va pouvoir commencer le combat. Mokosh, alors, ensuite, petit rappel. Vous avez deux types de défense, la défense active et la défense passive. Ouais. Oui, c'est ça. Lorsque tu veux te défendre, tu peux décider de sacrifier une action pour le faire. Et donc ça, dans ce cas, on fait un jet de défense. Donc en fonction de la manière dont tu te défends, généralement c'est par exemple physique corps à corps. Mais si on tire dessus, ça va être un autre test par exemple. Mais si jamais tu n'as plus d'action ou que tu ne veux pas les utiliser, et que ce soit n'importe quel autre personnage, il doit utiliser son autre défense, donc sa défense passive, qui est de 1 de base, qui augmente de 1... lorsque le défenseur est par exemple debout, donc généralement ça tourne autour de 2, en fait c'est simplement une difficulté, c'est-à-dire si tu arrives à faire la difficulté qui est donnée, et bien tu le bats. Et il y a des modificateurs par exemple, s'il est en train de courir, si jamais, voilà, ce genre de choses. D'accord. Là je considère également, vu qu'ils vous ont entendu au niveau des ruines, que vous êtes tous à portée de chacun des ennemis. Parce qu'il y a aussi une règle de mouvement normalement qui fait que vous pouvez attaquer un ennemi en sprintant, ça vous fait 2 dés de moins. Mais pour l'instant on va pas l'entrer en compte tant qu'il y a aucun ennemi qui tente de fuir. Pour l'instant voilà, on part vraiment du principe que chacun est à portée plus ou moins de tout le monde. Ok. Et de l'autre côté, comme je disais, vu que là il y a déjà pas mal de personnages, Carmino et un autre claniste sont en train de se combattre. Ils rentreront en jeu si jamais ça a son importance durant le déroulé du combat. Si jamais vous êtes tous en train de vous faire défoncer, il va venir vous aider. Ouais. Non, c'est pas non plus leur fils. Voilà quoi. C'est juste pour nous, je trouvais que ça plus fluide de jouer comme ça. Donc voilà Mokosh, je te laisse commencer. Eh ben c'est simple, je vais arriver et je vais lui défoncer la gueule avec mon épée. Genre je vais couper en deux. Ok. Est-ce que t'as une cible privilégiée? Sachant que pour l'instant ceux qui sont le plus proches, ça va être simplement les clanistes au poignard, puisque ce sont ceux qui se déplacent le plus vite. On va commencer par ceux qui sont proches, du coup les poignards. Très bien. Tu vois qu'il y en a un parmi deux, parmi eux, qui a l'air particulièrement justement très apte au combat. Genre il a un couteau dans chaque main, il est clairement, genre, il s'apprête aussi à rentrer dans la mêlée. Je vais m'occuper de lui alors du coup. Très bien. vu qu'il te demande. Plus que celui qui est à côté de lui, en fait, encore. Eh bien, dans ce cas, je te laisse me faire un test de combat. Donc, ça va être body, melee, sachant que tu as un malus de 2 avec ton espadon. Ok, donc je rajoute ces deux-là, ok, voilà. Et qu'il ne va pas utiliser de défense. Alors, 3 réussites, dont un déclencheur. Très bien. Autre règle que j'avais oublié la dernière fois, les déclencheurs augmentent les dégâts. Vous gagnez un dégât par déclencheur. Mais c'est trop bien ça. C'est justement, c'est pour ça que c'est encore vraiment plus intéressant justement de dépenser de l'ego. Dans ce cas-là, tu frappes. Étant donné qu'il a une défense passive, comme je l'avais dit, il a une défense de 2. Tu es à 3, donc ça passe. Donc tu vois qu'il court. Tu saisis ton espadon et parfaitement manuellement, tu lui donnes un énorme coup. Dans l'idée, enfin, t'étais censé le couper en deux, ça le projette sur le côté, ça le coupe complètement dans son élan, et tu vas lui infliger donc 8 dégâts plus ta force divisée par 2, donc 3, ce qui nous fait 11 plus 1, 12. Et j'ai oublié encore, tu peux me jeter 2 dés supplémentaires, ce serait que j'avais oublié la dernière fois, il faut pas. Vous avez dépensé de l'ego, donc vous avez aidé en plus lors de votre première action. Ah oui, c'est vrai ça. D'accord. Oui, oui. Bah du coup ça rajoute une réussite. Très bien. Dans ce cas en soi ça ne change pas, pas notre résultat au dé. C'est ça. Et il me fallait deux déclencheurs pour la seconde action. C'est ça. L'espadon, c'est ça. Exactement. Bah, du coup, j'en ai eu qu'un seul. C'est ça. Du coup on se retrouve avec des dégâts justement de 12. Ce qui est complètement monstrueux hein, pour juste pour comparatif rapide. Abby a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points de vie en tout. C'est-à-dire qu'elle a 6 points de vie et 6 points de traumatisme. Les points de traumatisme, ce sont des blessures graves. Tu la one-shot. C'est-à-dire que là, t'aurais donné le coup à Abby. Littéralement, je pouvais retirer Maxime de la conversation et lui demander de se créer un nouveau personnage. Il n'y a pas de règle pour essayer de le réanimer. Okay. Il était mort. La seconde attaque sera sur Abby. Mais on s'aime. Non mais en même temps tu les as prévenus, hein. Tu leur as dit, hein. Vous allez crever. Et nos personnages avaient un nombre de points de vie de... Très bien. Bon, on va l'écrire. Hein. De 13, donc il lui reste 1 point. Mec, il s'est déjà avec des sons, hein. Ah oui, non mais là il est vraiment à deux doigts d'être coupé en deux. Lorsque je mets un chiffre entre parenthèses à côté du nom d'un personnage, c'est le nombre de points qu'il lui reste. Ok. Enfin, on le sait, hein. Vous voyez d'un coup, justement, cet ennemi qui est projeté sur le côté et qui est littéralement au bout de sa vie. Et de ton côté, Abby t'enchaîne. Ouais. Tu vois du coup, le planiste qui prend la tête, c'est le second planiste avec son poignard qui est suivi de celui avec justement la masse. Ouais, bon, clairement, je pense que la masse sera plutôt une affaire pour Mokosh. Puisque j'ai très peur. Enfin, la dernière fois, j'ai eu un excès de confiance et j'ai eu mal. Du coup, je vais m'attaquer au mec au poignard, parce que stylet, poignard, je trouve que ça marche. Très bien. Dans ce cas-là, tu vas également me faire un test de body melee. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça que tu utilises pour l'arme, c'est ça. Ça fait que... Avec un bonus, étant donné que tu vas utiliser 2 points de... 2 dés supplémentaires. C'est ça. Donc tu jettes 6 dés. Et lui va choisir de se défendre activement vu la branlée que vient de se prendre son bot. Alors du coup, j'ai fait 3 réussites et un déclencheur. 3 réussites, enfin, un déclencheur. 3 réussites dont un déclencheur. Oui, oui. C'est ouais, généralement c'est comme ça que je l'interprète. 3 okay. Réussites, un déclencheur, pour moi ça fait donc 3 dés, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, c'est bah ça. 3 réussites, dont un déclencheur. C'est ça. Eh bien, je vais faire son jet de défense. Rate-toi. Il possède également 6 dés en défense. Oh là là. Deux réussites, dont un déclencheur. L'attaque passe. Tu le blesses donc de 2 dégâts plus ta force divisée par 2, ce qui nous fait Non, divisé par 3, ce qui nous fait donc 3 plus 1, car tu as fait un déclencheur, c'est bien ça? Oui, j'ai fait un déclencheur, oui, c'est ça. Et malheureusement, je peux pas utiliser ma capacité de stylet. Je suis déçu. Oui, mais tu as le droit à une seconde attaque. C'est vrai, mais j'ai plutôt utilisé ma deuxième action comme défense active. Très bien. Je précise également, le bonus accordé par les points d'ego ne s'applique qu'à la première action des deux. Ok. De votre côté, vous voyez le claniste qui avait été projeté au sol par Mokosh et que vous pensiez complètement incapable de jouer, enfin de nouveau se lever, qui étonnamment pousse un hurlement horrible et fou de colère, se propulse, genre saute sur les mêmes. Justement, c'est presque même comme s'il ressentait pas de douleur mais de la rage. Et là, il se projette sur toi, Torik. Mine de rien, vu l'état dans lequel il est, tu... Il est diminué quand même. C'est ça, il semble pas extrêmement menaçant non plus. Tu as le choix entre décider de te défendre activement ou passivement. Alors du coup, répète-moi. Si tu décides de te défendre activement, tu auras plus de chances de parer son attaque, mais tu passeras ton action. Et ça ouais. Te dépensera ton point d'action. Mais en même temps, il est quand même vachement diminué puisqu'il reste un point. Il est vachement diminué, il reste qu'un point. Oui, clairement. Clairement, son attaque aura un malus, un énorme malus même. Ouais, bah écoute, je vais. C'est juste qu'au lieu de fuir ou de tenter juste de rester au sol, il décide de tenter le tout pour le tout. Je vais tenter d'y aller passivement parce que. Très bien. Tu as donc une défense de 2 puisque tu es t'as une valeur de 1, plus tu es debout, 1. Tu pourrais par exemple gagner des points supplémentaires grâce à des couvertures, mais là, vu que vous êtes dans un combat libre, pour l'instant, il n'y a pas de. Aucun d'entre vous n'est à couvert de qui que ce soit. Je vais donc jeter ces points d'attaque. Donc il s'agit de 2 dés seulement sur les 6. Il a 4 points de traumatisme, donc il a un malus de 4. Et il réussit une seule fois. Il a une réussite, il a fait un 4 et un 3. Donc son attaque ne passe pas. C'est parfait. Donc, tu arrives à te défendre ouais, très clairement et il attaque et bam. Avec ton dilacérateur, t'arrives à parer aisément le coup. Il était clairement pas capable de mener à bien cette attaque. Full camp. De ton côté, Abby, tu es attaqué par le second claniste. Oui, donc j'ai une défense à tu as blessé, justement. Ce, oui. Oui, je vais l'appeler claniste 2. Ce sera plus simple. Ce sera claniste. Écoute, avec ma défense active, je me défends de manière active. Je sais pas comment ça marche. C'est-à-dire que tu vas faire un GD, tu vas me faire un G de. Alors. Donc tu sacrifies une action. Oui. C'est quand même pas rien. Ah oui, alors tu as le choix entre faire une esquive. Ouais. Qui va être donc un jet d'agilité mobilité ou de faire une parade ou un blocage au corps à corps, ce qui. Alors la parade, non, dans ce cas c'est une parade vu qu'il t'attaque avec une arme blanche, ouais. Ça va être un jet de physique corps à corps. Sachant que la seule différence entre les deux, hormis tes stats, va être qu'une parade permet de faire une contre-attaque si jamais tu réussis à faire 3 déclencheurs. Au niveau stats, dans tous les cas, je lance 4 dés. Oui. Du coup, autant tenter une parade pour enchaîner avec une contre-attaque si jamais Dieu est de mon côté. Très bien. Perdu, j'en peux. Voilà, tu peux y aller. Oh, alors, je n'ai pas fait 3 déclencheurs. Mais, j'aurais beaucoup aimé. Mais j'ai fait quand même, encore une fois, 3 réussites, dont un déclencheur. 3 réussites, dont un déclencheur. Ce qui est quand même très joli score, je suis content. Je pense. Suis également à 3 réussites, mais je possède personnellement 2 déclencheurs. Est-ce que j'ai un effet qui s'active? Je vais vérifier ça rapidement. Pas du tout. Et en cas d'égalité, si je ne dis pas de bêtises, c'est celui qui a le plus de points dans la compétence en elle-même qui gagne. Oh putain, je vois pas comme ça. Actuellement, c'est notre personnage. Donc, désolé. Forcément. Et tu vas donc subir des dégâts de. De 5. Ça pique. Oui, ça pique. Ça veut dire qu'il te reste un seul point de vie avant d'attaquer une blessure grave. Oui, mais enfin, oui. Abby, à chaque fois, elle passe à deux trucs de la mort, à chaque fois. Ah, mais. Enfin, je sais pas. Genre, oui. La parade, genre, en fait, c'est un gros. En fait, c'est comme si j'avais fait zéro réussite, c'est ça? Genre, ça marche pas du tout la parade, c'est ça? Enfin, c'est vraiment une question. Non, bah, en fait, alors normalement, si, mais étant donné que j'ai fait des déclencheurs aussi, en fait, ça va s'annuler. Il aurait pas fait déclencheur, par exemple, on aurait fait plus que lui, ou t'aurais juste fait plus de succès que lui, là, t'aurais complètement annulé son attaque. Bon, il faut quand même que j'arrive à. Ouais, malheureusement, c'est pas passé loin. Tu te prends un vilain coup. Un bon coup de couteau qui t'enfonce dans le ventre. Et pareil, également, tu viens juste de le blesser et ça a pas l'air d'avoir eu le moindre effet sur lui. Il s'en est complètement battu les couilles, clairement. Ouais, ils ont. Heureusement pour toi, on enchaîne avec Thoric. Qui hésite du coup, puisque au départ, il était parti pour balancer la sauce en mode. Fusil à fungicide. Il te reste toujours ton fusil à fungicide ou là tu avais économisé ta munition. Oui, et j'ai 10 munitions de poussière de feu. Alors après je sais c'est pas, ça. Au niveau des dégâts je sais pas du tout ce que ça fait. Ça fait des dégâts sur la durée. Ensuite, par contre je précise également, étant donné que Abby est au corps à corps avec un ennemi, si tu tires sur cet ennemi, tu risques fortement de toucher Abby. C'est pour ça, oui. Parce que du coup moi j'étais plus parti pour tirer sur les armes lourdes et épées. Vu la situation, je vais partir du principe que les deux derniers ennemis sont démarqués. Voilà. Ça veut dire que ils sont... voilà. Mais à côté de ça, j'hésite du coup pour peut-être faire un soin d'urgence à la demoiselle parce que c'est quand même manger... Tu pourrais essayer, mais vu la situation, vu que l'ennemi est encore au corps à corps avec elle, c'est pas simple. Possiblement un peu plus compliqué. Ouais. Bon, bah écoute, je vais tenter le fusil à fongicide. Très bien. Je mets une munition dedans. Et donc, c'est un tir de zone ou c'est un tir sur. Oula. Attends, excuse-moi, je fais tomber mes dés. Donc, oui, tu disais. C'est un tir de zone ou c'est un tir de sur une personne? Non, là tu pourras toucher les deux personnes. D'accord. Bah écoute, je vais faire. Alors du coup, c'est quoi? Parce que oui, c'est vrai que toi tes règles de dommages sont. Alors du coup, là j'ai, j'imagine c'est agilité projectile, je suppose. C'est bien ça. Et donc du coup je rajoute 2 dés de mes égaux. Exactement, t'as tout compris. Ok, donc du coup ça m'en fait 7 à jeter. Ça vaut le coup de le faire. Et maintenant. Oui, c'est vrai que Thoric n'est pas c'est pas un gros gaillard, mais en tir il est plutôt doué. Moi je suis un sniper, hein. Faut que je tire de loin. Alors, j'ai 2 succès pour les premiers. 3. Hop, et le dernier. J'ai 4 succès, dont un déclencheur. Un déclencheur, ouais. Très bien. Tu attaques ces deux ennemis qui vont se défendre activement. Parce que ils sont quand même impressionnés par l'arme que tu viens de leur sortir. Je vais juste me retrouver mon petit paragraphe par rapport aux munitions. Comment parer une balle? Non, c'est juste par rapport aux dégâts. Alors, donc 6 dés chacun. Le premier se défend avec 2 réussites, dont un déclencheur. Et 3 réussites pour le deuxième. Tu as fait combien déjà? 4 réussites et un déclencheur. 4 réussites. Ah bah, tu touches les deux. Tant qu'à faire. C'est mieux, non? Tu touches les deux. Et merde, attends, c'était pas le bon. Voilà. Et tu possèdes la poussière de feu. Qui effectue des dégâts de feu, tout comme le calcinateur. Je regarde un petit détail, 2 secondes. Vas-y, vas-y. Ah ok. Ça fait 8 dégâts par personnage. Ah, c'est pas mal. Tout simplement. C'est bien. Donc, tu tires. C'est la première fois que tu peux utiliser ton fusil à fongicine. T'es super fier de toi. Tu fais un tir très très bien calé. Tu tires entre les deux. vous vous voyez, vous entendez cette petite, cette mini explosion qui arrive. En fait, c'est quasiment une grenade que tu viens de tirer. Ouais. Plus petite, mais quand même. Vous voyez de la pierre à côté qui est projetée par, par l'impact. Et les deux ennemis qui tombent au sol. Ils vont chacun perdre 8 points de vie, plus 1 grâce à ton déclencheur. Alors. Et nous allons attaquer autour du claniste 3. Non, même pas. Les deux ont utilisé leur défense active. Eh oui. Donc nous passons au tour suivant. Vous pouvez de nouveau, si vous le souhaitez, jouer de Lego lors de la nouvelle lors du nouveau test d'initiative. ouais, non, je ne veux pas réutiliser. Moi... Sachant que oui, Mokosh, de ton côté, tu as utilisé 2 points sur 12. Abby, tu en as utilisé 2 sur 10, et toi, Toric également 2 sur 10. Moi, j'en utilise 2 autres parce que j'en ai besoin pour survivre. Très bien, et bah tu peux jeter tes dés. Et me donner ton résultat. C'est les initiatives là à nouveau, c'est ça? C'est ça, ouais. On attaque un nouveau round. Alors, attends. Initiative, attends. Sachant que si vous réutilisez des points d'ego, tout comme tout à l'heure, vous allez bénéficier lors de votre première action d'un bonus. Ça c'est cool. Bon bah je recommence, pareil. Hein. Ah ça c'est cool. Du coup j'ai fait 4 réussites dont un déclencheur. 4 réussites plus un déclencheur. C'est bien psyché réaction. C'est ça. Ok ok. Oui bah c'est ça. 1, 2, 3, 4. Ah attends, il me manque un dé, pardon. J'ai oublié le dé de. Mais réaction. Oui, c'est ça, oui, bien sûr, oh. Réaction. Ouais, bon bah j'ai. Bon bah ça change pas. Donc 4 réussites, un déclencheur. Très bien. Je vais noter tout ça. De ton côté. Et donc tu as utilisé, c'est ça, 2 points, c'est ça? Oui. Donc tu as 4 sur 10. C'est ça. C'est une bonne moyenne, hein. Moi j'ai un malus de 2, c'est ça? Non, du tout. Non, ton malus, tu l'as déjà utilisé, tu as déjà récupéré ton arme. Donc là tu n'as plus aucun malus. Ah oui! Non, tu n'as plus aucun malus. C'est lorsque tu attaques. Ok. Monsieur Torix, tu as fait ton jeu, tu peux me donner ton résultat également. Moi j'ai utilisé 2 points Lego et j'ai fait 2 réussites. Ok. 2 réussites, pardon. Ok. C'est tout. C'est moins bien, mais bon, c'est déjà 2 réussites. T'en fais pas. Oh, t'as déjà bien blessé 2 personnages. Hein. Bah, je compte bien recommencer. J'ai encore la possibilité de le faire. Et je suis bête, j'avais dit que tu les avais blessés de 9 parce que t'avais un bonus de 1 grâce à ton déclencheur. Donc ils sont 4 PV, pas. Bah... Et je regarde Mokosh, je fais. Moi aussi je peux défoncer des gars. Et toi Mokosh, tu as fait quel résultat? Pendant ce temps-là, je vais faire le jeu pour les ennemis. Moi j'ai fait 3 réussites, dont 2 déclencheurs. Ok, donc tu auras également 2 actions. Ok. Alors nous avons 2 réussites. Je vais prendre en compte, je sais pas si c'est le cas, ça se trouve une erreur, mais le fait qu'ils aient des malus. Aucun déclencheur pour l'instant. Je pars du principe que leurs blessures vont atténuer leur jet d'initiative. Tout comme je le ferai pour vous. Pour l'instant, toi. Non, Abby, tu n'as pas de blessure de traumatisme, non. Pas de malus ATG. Ensuite. Oula, alors celui-là, bah, du coup, il va jeter un dé. Et il a fait un échec. Donc nous avons un joli 0. Je serai pas le dernier. Oui, non, voilà, il est fini. Hein. Il s'est fait limite couper en deux et puis il s'est refait défoncer là juste après. Et nous avons le dernier. Donc lui, il n'a aucune blessure de traumatisme. Donc il peut jeter ses 6 dés. Et il fait 4 réussites. Nous aurons donc, dans cet ordre de jeu, Mokosh qui jouera 2 fois, je vais vous réécrire l'ordre. Notre claniste 2. C'est selon moi qui attaque en premier. Suivi. Ah non, Non, autant pour moi, c'est Abby qui commence. Oh. Et c'est Mokosh qui joue en troisième et elle joue deux fois. Oh. Pas habitué de si bas dans le classement. Ensuite, nous avons... Toric. Oh putain, je suis pas mal. Les clanistes 3 et 4. On va enlever le petit édité. Et le claniste 1. Qui lui jouera en dernier avec son tour de 0. Mais qui même non va même passer son tour. Parce que je pense qu'avec un 0 sur un jet d'initiative, tu passes son tour. Voilà. Bien toi Abby, tu commences. Tu viens de te prendre un méchant coup, mais ça va. Oh. Venge-toi. T'es pas blessé gravement. Exactement, bah du coup je vais contre-attaquer du coup sur cet enculé. Très bien. Eh bien tu peux me jeter et me effectuer ton test de mêlée avec un bonus de 2 vu que tu as utilisé ton point d'ego. Mm-hmm. Ah c'est complètement jouable. C'est... Oh, c'est deux déclencheurs que je dois faire pour oui. À partir de deux déclencheurs, tu pourras réattaquer une seconde fois. Ah, avec c'est un trop cool. De... Mais bon, c'est toujours une nouvelle attaque. Oui, c'est toujours ça de prix. En plus, ouais. C'est gratuit. Donc, du coup, j'ai fait 4 réussites, dont 2 déclencheurs. Par contre, à côté, j'ai fait 2-1, mais on s'en fout, il compte pas. Ça ne compte pas. Et lui, il va effectuer une défense active. Parce qu'il a pas encore trop de malus. Et je m'en sors avec 4 réussites et 1 déclencheur. Et toi, c'est quoi? 4 réussites et 2 déclencheurs. Ah, donc tu le niques. Tu l'éclates. Oui, bah, à un moment, il y en a marre. Voilà. Donc tu lui fais un joli jet de blessure. Donc tu as. Alors. Je retourne vite fait sur ta fiche. Donc 2 dégâts. Plus ta force divisée par 3. Donc 1, 3. Tu as fait 2 déclencheurs. 5. Bam, tu l'éclates, petit coup, et t'enchaînes. Tu peux réattaquer avec un malus de 2, donc tu jettes 2 dés. Oh putain, là ça va être chaud. Ouais, mais il n'a plus de défense. Il a perdu son action, donc là il va être obligé de se défendre passivement. Donc il a une défense de 2. Imagine, je fais 2-6. Ouais, hein. C'est vrai que ça se peut, mais putain, j'ai fait 6 et 5. Bah c'est pas ça mal. Passe. Bah, c'est bah ça passe. Oui, oui, ça, mais ça je... Repasse. Et donc, bien sûr que ça passe, deux, ça a été trop cool. 3 plus 1, bah tu l'éclates, bah il meurt. Mais oui, c'est trop bien. Tu lui refais 2 dégâts plus 1 grâce à ta force divisée par 3, plus 1 grâce à ton déclencheur. Bam. Vengeance, ouais. Tu l'enchaînes, il meurt. Ça a été beaucoup trop cool que ouais. Je refasse 6-6 et du coup tu vois Abby qui s'acharne sur le mec qui est mort. Ok. Et nous avons Mokosh qui enchaîne directement avec une attaque sur... Il y en a sur le plus proche, j'ai pas trop d'idée. Bah, c'est celui que t'as tapé avant, non? Celui de poignard. Non, parce que celui-là il s'est précipité sur toi, Toric. Ouais. Ah merde. Donc, j'imagine que le plus proche c'est peut-être celui-là à l'arme longue, un truc comme ça. Je vais plus très pouvoir bien. Tirer donc je vais l'enchaîner. Tu vas. Avec une attaque circulaire, comme d'habitude, parce que j'aime bien ça. Très bien. Tu vois que lui il est à moitié en feu. À cause des blessures, donc il aura un malus de 1 à sa défense. Et donc tu vas. Attaque circulaire, vas-y fais-moi ton jet, mêlée. On va finir les frags. Là, le mec est insupportable. Avec l'autre, ça va. J'ai 3 réussites, donc... ce qui annule encore ma seconde action. Alors, 3 réussites. 3 réussites, dont 1 déclencheur. Très bien. Tu as rejeté 2 dés, alors est-ce que tu aurais utilisé de... Oui, tu aurais utilisé de la... De l'ego? Non, j'en ai pas pris. Ah, très bien. Alors, je vais faire moi son jet de défense. Merde! Merde! Donc j'ai un malus de 1, donc je passe. 5 moins 1, 4. Une réussite. C'est bon, il meurt. Ouais, j'ai fait un 5, un 3, et un 2 et un 1. Donc ça passe. Bah pareil, là même pas besoin de calculer les dégâts. Non, mais elle va vraiment me piquer mes deux bonhommes, tu vois, franchement, avec le deuxième coup. Non, parce que le deuxième coup, elle le passe, étant donné qu'elle n'a pas fait de déclencheur. Donc c'est toi, Théorique, ouais, qui enchaîne. Ah, elle les a tués vraiment les deux, quoi. Ouais. Est-ce que tu veux utiliser ta seconde munition, ou j'imagine que là, tu vas peut-être tenter d'y aller au dilacérateur. Bah non, mais là, je prends le dilacérateur, et puis je lui mets... Mais là, tu lui marches dessus aussi. Pichenette avec... En fait, non, je vais lui planter la pointe, parce que c'est, à la base, c'est une lance, hein. Enfin, ouais. Je lui mets la pointe dans la gueule. Très bien, fais-moi un jet de mêlée. Alors... Athlétique, mêlée, donc tu jettes 5 dés, plus 2, 7... Alors autant t'es pas très réactif, autant tu vas frapper violent. 7D. Moins 1, autant pour moi 6, parce que tu as un malus de 1 avec ton dilacérateur. Bon, 6, allez. Ok, donc j'ai 4 réussites et 1 avec dont 1 ouais. Machin. Un déclencheur. Un déclencheur, voilà. 4 réussites, je vais faire sa défense active, même s'il a... Donc c'est ah oui, non mais lui il est foutu, oui. Bah oui. Il jette un dé, il a fait 2, donc non. Là, tu l'éclates. Là, vous me voyez faire... Encore une fois, bon, même besoin de faire un calcul de dommage, hein, il lui restait un point de vie, tu l'achèves, tout simplement. De votre côté, vous vous tournez, vous voyez que Carmino Ferro a bien déglingué le sien aussi, mais qu'il... Bon, on va attendre le retour de... Si, il est là. Donc Carmino a bien déglingué le sien aussi, mais il l'a gardé en vie, histoire de pouvoir l'interroger. Je vais le tuer. Est-ce qu'il est gentil, disons, ce Carmino.